between love and lust. And I could go anywhere, anywhere is home. Yeah, I could go anywhere, never feel alone. I come back to the places where we found us. Yeah, when I'm not with you, I'm not me. Nothing ever feels good. When I'm not with you, I'm not in control of what I do. It's not me. When I'm not with you, I'm not me. Nothing ever feels good. When I'm not with you, I'm not in control of what I do. It's not me. Oxoon, c'est lui qui vous a mixé la playlist de Sophie ce soir. On se retrouve demain les amis pour une autre playmix 19h, 20h sur Fun Radio. En attendant, ils sont là dans le studio, Mike et toute l'équipe. Comment ça va mon Samy? Ça va bien tout le monde? Arnaud, ça va? Tout le monde est en forme? Bon, c'était bien ce soir les comment, amis. Comment ça s'est passé la première soirée hier? Eh bien écoute, c'était laborieux, mais on l'a fait cette voilà. émission. Voilà, j'ai encore mal au ventre vous du piment qu'on m'a fait bouffer. De déterrer, mais... hein, ça se voit. Je sais pas si t'as écouté hier en fin d'émission, j'ai ramené un petit souvenir des Antilles à Lorenza, c'est que j'ai passé un an aux Antilles. Non, j'ai pas entendu. Je vais ramener un petit piment. On va vous mettre la vidéo là dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures sur le Facebook. Mike, 20h, 23h sur Fallandu, vous êtes prêts? On est prêts. Eh ben on est parti. Encore une longue journée qui s'achève. Vous pensiez rentrer tranquillement chez vous? Vous pensiez passer une soirée calme et paisible? Yeah! Et si ce soir, tout changeait? Et si subitement, votre existence tout entière prenait un autre sens? Change your life. Et si vous recommenciez à vivre, à rigoler, à vous exprimer, vous amuser, vous défouler? Et si dès maintenant, l'avenir vous souriait? Fini les soirées galères. Aujourd'hui, un vent de liberté souffle sur la Belgique. A space of freedom and no judgment. Freedom and no judgment. Vous ne serez plus jamais seul. It's a family. L'heure est venue de l'ouvrir. 02 851 4x0. Libertad. Mike. Le soir sur Fun Radio. Et on est là, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio, 20h02, mardi 28 août. Mike sur Fun Radio, émission numéro 2, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne journée. On va tâcher de la conclure de la meilleure des façons possibles cette journée. Ouais, on se tape des barres de rire ensemble, on délire jusqu'à 23h sur Fun Radio. Vous débarquez en direct au 02 851 4x0, les amis, on vous attend ce soir, venez nous raconter votre journée, vos galères aujourd'hui. On est là pour ça avec Lorenza en face de moi. Ouais, comment vas-tu? Super bien, je suis en forme. Tu t'es remise de la première. Moins stressée ce soir. Ben, ça va, j'ai un petit truc au palais chelou. Je me suis brûlé le palais. Donc en plus, avec le piment d'hier, blablabla. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est la galère. Il y a Coralie également qui est là, qui squatte les réseaux sociaux. Bonjour. Ça va bien, on peut t'envoyer des messages sur la page Facebook notamment. Oui, la page Facebook Mike Fun Radio. Vous pouvez vous inscrire pour des jeux. Vous envoyez simplement jeu, je vous rappelle. Bon, ce soir, je vous le dis, les amis, on est en détente totale avec tout à l'heure David Kaufman qui sera là pour le Fun Games. Le retour de Kaufman, ça fait plaisir. Ouais, ça il fait était là plaisir. Dans Digital Planet. Oui, tout oui, l'été. Il est là, ben, il est encore là tous les dimanches dans Génération 3.0. Donc, et il va nous parler de l'actualité des jeux vidéo. Et comme à son habitude, Kaufman n'est pas venu les mains vides. Ah, monsieur Fun généreux. Ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. J'ai eu une embrouille, méga embrouille hier soir. Je me suis tapé et tout. Quoi? Non, en fait, je vous explique à tous. J'étais avec un pote. Ouais. Et là, il y a une voiture qui passe. Et je sais pas pourquoi. Des fois, t'es pris. Et je dis, arrête-toi, enfoiré! Ouais. Et la voiture pile. Et en fait, c'est des. Et là, je vois un gars super baraqué sortir. Ouais. Avec trois de ses potes. Et donc, il fait pardon. Ouais. Il vient vers moi, il me fait pardon. Dieu. Oh, excusez-moi, je vous ai pris pour un autre. Il commence à m'embrouiller tout. Ouais, tu m'as dit enfoiré, machin. Et là, j'avais un pote avec moi. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le gars, au lieu de se taire, il fait ça va, il a dit qu'il s'excusait. Putain, laisse-le tranquille. Et c'est parti en vrille. J'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Je me suis couché par terre. J'ai dit bon, bah, on va attendre que ça passe. Mon pote s'est fait démonter la tête, il a perdu 10 dents. J'ai... Ah, tranquille, bah, tranquille, il en a encore, ça va. Moi, j'ai perdu un pote, mais j'y gagne quand même mes 10 dents. Donc, au change, je pense que les gars, on est bien. Du gros son sur Fun Radio ce soir, Cardi B. Ah, c'est pareil, il la quitte. Il y aura du Kid Noise aussi tout à l'heure. Tiens, nos deux DJ belges, Dimitri Vegas, Like Mike, sont ce soir à Ibiza d'ailleurs. Et puis, s'il y a des sons que vous voulez vous écouter ce soir, bah c'est open. Le numéro Lorenza, s'il te plaît. 02 851 4x0. Vous pouvez nous appeler pour jouer, puisqu'en plus, toute cette semaine, on vous offre vos vacances au soleil, ouais, ma petite Lorenza. C'est un cadeau de ouf. On vous offre une semaine pour 4 personnes, quand même. Donc, c'est un truc, vous pouvez aller en famille, entre potes, entre voisins, j'en sais rien. Et c'est dans un des campings étoilés de votre choix. Donc, avec vacances soleil, en France. Et en plus de ça, vous avez droit à une journée en mer, à bord d'un bateau luxueux de chez Celesti Boat. Et donc, c'est au départ de Fréjus. Donc, c'est un cadeau de ouf, quoi. Franchement. N'hésitez pas quoi, jouez, Fun au 63-22. Voilà, vous nous appelez Fun au 63-22 et il y aura deux sélectionnés aujourd'hui. C'est Coralie qui est en train de me faire, qui m'a écrit le petit mot sur la feuille pour me le faire savoir. Exactement. Il est là mon premier auditeur, Gaëtan, ça va ou quoi? Salut Mike, salut toute l'équipe. Hello. Ça va bien mon Gaëtan? Super, super, journée ensoleillée, tout va bien. Bienvenue dans l'émission, t'es à Charleroi, c'est ça toi? Tout à fait, oui. Et tu fais quoi dans la vie? Pour l'instant, je suis à la recherche d'emploi, mais je tiens également un blog sur Internet à mettre en perdu. Tu tiens un blog sur quoi? Sur un parc d'attractions de la région parisienne, très connu avec sa célèbre souris qui va bientôt fêter ses 90 ans. Ah, Mickey, tu veux pas nous filer des places ou je sais pas? Tu fais des critiques sur. Ce n'est qu'un site de fans. Hein. Non, mais tu dis telle attraction, c'est vachement bien et tout. Enfin, c'est ça, c'est des trucs comme ça? Ah, je suis super connaisseur dans le domaine et je file un petit peu tous les tuyaux sur le parc. Ah, bah vas-y, balance le lien là, balance l'adresse. Eh bien, en fait, c'est une page qui tourne sur Facebook et Instagram. C'est DLRP Essentiel. Eh ben voilà, c'est passé, Gaëtan. Tu voulais passer un big up, mon pote? Oui, bien sûr. Une dédicace à toute ma famille, tous les gens qui me connaissent. Je leur fais un grand bonjour et un grand bisou. Bah, c'est trop mignon. Et voilà. Bah, message passé, mec. Tu reviens quand tu veux dans l'émission, ok? Merci beaucoup Mike, salut Lorenza, merci toute l'équipe. Salut, à bientôt, salut, Gaëtan, bisous, tu reviens Gaëtan. Quand tu veux. Léandre, t'es là? Oui, je suis là. Ça va mon Léandre? Mais ça va parfait. 17 ans et on reste à Charleroi. Ouais, on est toujours à Charleroi. Et on nous écoute à Charleroi. Bon, hein. Dans quelques instants, ce qui paraît, tu veux me parler de ta meuf? J'ai une grosse galère aujourd'hui avec mon PC. Et j'avais avec le PC, on parle après Cardi B sur Fun. Bonne soirée à tout le monde. Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen, bitch I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving niggas wrong, I do what they say I can't, they call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali, Virgo, Rari, hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a Lamb, saw that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario, yeah they call me Cardi B, I run this shit like cardio, Diamond District in the chain, certified, you know I'm gang, gang, gang, gang, drop the top and blow the brain, oh he's so handsome, what's his name? Chambean pero no jalan. Hola. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa. Yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. que retumbe el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín, que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Diamond District in the chain. Celia Cruz, tengo el azúcar. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca y arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mi tenis Valenciaga me reciben en la entrada. Pa pa pa para, sí, like I'm Lady Gaga. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara, no salgo de tu mente. Donde quiera que viajes, he escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el Testa Rosa. No soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza, es la cosa, mami, es la cosa. Goza, el goza, que mira sufre y el que toca goza. Goza, goza, goza. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. I said I like it like that. Diamond District in the chain. Certified, you know I'm gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir choisi Fun Radio. On est là, prêt à retourner toute la Belgique jusqu'à 23h. 20h-23h, Mike sur Fun Radio. Je ne suis pas tout seul ce soir pour faire cette émission. Il y a Lorenza également, hello, Coralie enfin, qui vous répond. Oui, bonjour. Le standard, c'est le 02-851-4x0. On vous attend aussi sur la SMS au 3044. Vous pouvez vous inscrire, on va faire nos sélectionnés tout à l'heure là pour la semaine. Ouais, la semaine soleil avec Vacances Soleil et Céleste Beau. Donc n'oubliez pas, vous envoyez Fun au 6322 pour 1€ le message. Vous gagnerez peut-être des vacances. Peut-être que vous n'êtes pas encore parti. Ouais, c'est l'occasion de se rattraper. Il y a plein de gens qui partent en septembre en décalé comme ça. Et en plus, vu le temps ici, c'est un peu dégueu. C'est clair que c'est l'occasion d'aller dans. Ça fait plaisir, hein. Dans le sud un petit peu. Je sais pas si t'as vu, Lorenza, ce qui s'est passé le week-end dernier, dimanche dernier. Dans la province de Liège, c'était à côté d'Ouarem. Non. Une quinzaine de secouristes ont été mobilisés pour sauver une vache et son veau. Okay. Tombé dans un trou de 5 mètres de profondeur. Oh, les pauvres. Oh, c'est mignon, hein. Ouais, mais c'est trop mignon, mais le pauvre. Et ça va, ça va. En tout cas, ils sont intervenus pour remonter les deux animaux. Donc, ouais. Une équipe spécialisée dans le secours de montagne et 3 pompiers animaliers. Ah ouais, ouais, bah, ça termine bien. Heureusement, les vaches ont été sauvées et elles ont pu être emmenées à l'abattoir comme c'était prévu ce jour-là. Merci les pompiers. Kid Noise arrive. On va s'y retrouver très vite, Mamie Simone. Et là, on dit rebonsoir à Léandre qui est toujours là. Ouais. Hello Léandre. Bon, mon Léandre, problème de PC, toi, c'est ça? Ouais, j'ai un gros un putain de problème. Je vous explique ou j'attends? Bah, vas-y, explique-nous. Ok, bah en fait, toute l'après-midi, j'ai dû bosser un peu parce que j'ai des révisions pour la rentrée. Ouais. Et donc, j'ai passé 3 heures sur un document Word et tout. Je faisais mes révisions et tout. Et ça a complètement crashé. Ah merde. Et du coup, je suis un peu dans le bad, quoi. Oh. Et voilà. Mais du coup, après, j'ai pas arrêté de... J'ai un délire, c'est qu'à chaque fois que je suis frustré ou quoi, j'arrête pas d'aller bouffer tout ce qu'il y a dans le frigo. Ah ouais, tu deviens boulimique, quoi. Tu manges tout ce que tu trouves. Si je suis ta théorie, ça veut dire que ma guide de bloc a Windows 95, je pense. Ouais, ça bug, et du coup elle mange, et voilà. Vous réagissez comment dans l'équipe quand votre PC bug comme Léandre? Moi je suis un peu violente, je suis du style à le balancer ou à faire waouh, tu vois, mais comme là on m'a gentiment prêté un beau PC portable chez Fun Radio, je vais me calmer. Oui, ne maltraite pas le matériel de la non, radio. Non, non, non. Non, moi tu sais, j'ai un kiff quand mon PC bug, ma manière de me venger, c'est quoi? C'est que je l'éteins en débranchant l'alimentation derrière. Et là, bim, je me fais dans ta gueule, c'est qui? Tiens, j'ai un sondage justement sur la réaction des Belges. Comment ils réagissent quand leur PC bug, quand leur ordinateur bug? Vous le voulez? Oui. Ça tombe bien, je l'ai préparé, ça m'arrange. 3% des gens pleurent. Ah ouais? Méga sensible. Ou alors ils pleurent parce qu'ils sont sur YouPorn et ça bug au moment où... Non, je sais pas. Au bon moment, tu vois. 5% lancent des objets. Ok. Ouais. 26% hurlent pour avoir de l'aide. Ah ouais? Mais enfin. Ouais, c'est bon. Allez! arrête. Ouais, moi c'est pareil avec ma meuf à la maison, dès qu'elle a un problème de PC, Mike, mon PC. Là j'arrive et je suis Bill Gates, je lui redémarre la Lightbox, c'est bon, c'est fait. Et elle te regarde avec les yeux de l'amour. Ouais, tu connais. 32% hausse les épaules. Ouais, c'est tendu. Ah, heureusement qu'ils disent pas flûte. Flûte. Mince. Bon bah voilà pour ce sondage que vous retrouvez sur le Facebook Mike sur Fun Radio. Bon Léon, merci de nous avoir appelé. Bah merci à vous, merci les gars. Et gros courage, merci. Hein. Je te fais un big up et Get Fun Radio, on va offrir des PC bientôt, ok? Ça va, très bien. Ah, salut Léandre, bon, à bientôt. 02851 4x0 dans quelques instants. La vieille sera avec nous, elle comment est déjà Comment je sais pas. Toujours, je vous rappelle, depuis le studio 2, parce que nous on est en studio 1, mais rapport à l'odeur, on ne peut pas vous avoir. Je vous vois dans une petite télévision. Oui, oui. Mais moi je ne vous vois pas, Mamie Simone. Et tant mieux. C'est dommage, vous voulez que je vienne? Non, maintenant. On va se faire un Mamie Simone chante le son dance floor, c'est ça? Oui, je vais chanter, comme d'habitude, je chante très bien. La la la la la la la la la. Time to play. D'avoir choisi Fun Radio chaque soir ici désormais en full bordel jusqu'à 23h. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Avec Lorenza. Hello, Coralie, je suis en qui vous répond également. Le numéro pour t'appeler, Coco, 02 851 4x0. On est aussi là sur les SMS 3044. Les amis, venez nous dire comment ça s'est passé votre journée. On est là pour vous détendre en cette soirée, en ce mardi soir. L'émission la plus irrévérencieuse de la bande FM est là. Pardon? D'ailleurs, faut savoir qu'à la base, cette émission devait s'appeler l'émission la plus irrévérencieuse, mais on savait pas comment ça s'écrit, donc on a préféré Mike sur Fun Radio. Pour t'avouer, je ne sais même pas ce que ça veut dire. On va écouter Aya Nakamura. Me mets pas dans la merde. On va se faire copine dans quelques instants, le nouveau Aya Nakamura. Et Mamie Simone est là, on oui. va faire copine. Dites donc, en parlant de la blondasse là, alors, la nouvelle. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle parle avec des trémolos dans la voix? Des trémolos. Qu'est-ce qui se passe? Oui, elle est là, elle parle comme ça. Oui, je suis là, c'est Lorraine. Eh, hey, mais ça je va aller. C'est insupportable. Je fous de ta gueule. Oui, je pense qu'elle en a marre de moi déjà. Oui, je ne vous aime pas. Je pense savoir pourquoi. Je pense que Mamie Simone a passé le casting. On l'a pas prise parce que ça correspondait pas. Enfin, tu comprends, c'est pas. Vous croyez que j'ai que ça à faire? Dites donc, il y a plus belle la vie. Hein. Bon, bah justement, on va enchaîner Mamie Simone avec. Qui est là? J'ai perdu ma feuille. Eve. Salut Eve. Salut, ça va? Bah, bien, et toi? Bonsoir, Eve. Merci. Bonsoir, Mamie Simone. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Oui, toujours, merci. 30 ans, t'es de Liège, c'est ça? Voilà, exactement, tout à fait. J'étais. C'est quand on a été, Coco? La semaine dernière, ouais, place Saint-Lambert, faire les magasins. Ah voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout, dites bonne vie. Vie. Ma vie, je raconte. Allez-vous calmer un peu. Eve, tu bosses dans l'administratif et on va jouer avec Mamie Simone. Mamie Simone on the dance floor. Parce que malgré son âge, elle reste tendance. Elle reste jeunes, Mamie Simone, n'est-ce pas? Ça dépend. En tout cas, pour Fun Radio, vous faites un effort. Si vous voulez, demain, je viendrai avec du Johnny. Oui. Ouais. Oui, venez vendredi avec du Johnny, Mamie. Oh, d'accord, ça vendredi, va. Vendredi, on fait pas on n'est pas là vendredi. Pas ouais. Comment? Rien. Alors, allez-y, Mamie Simone, explique les règles de votre jeu, s'il vous plaît. Ah, parce que vous pouvez pas le faire vous-même. Bon, au prix non. Où vous êtes payé, dites donc. Alors, c'est très simple. Je vais chanter des chansons avec ma belle voix, d'ailleurs. D'accord? Vous devez reconnaître l'artiste ou le titre. T'as compris, Eve? Bon, c'est oui, super simple. Concentre-toi bien sur les paroles. Généralement, Mamie Simone a tendance à répéter le titre, le refrain. En fait. Arrêtez de dire ça, je ne le ferai plus. Allez-y, ma petite Mamie Simone d'amour. Oui, faut que je me chauffe la voix bien avant, quand même, tout de même. Oh mon Dieu. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. C'est en trouvé. Attendant, taisez-vous, les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, petit, tout va bien. Oui, bah oui, tout va bien, oui. Oui, tout va bien. Alors, Eve. Il y a un petit indice qui s'est glissé dans le son. Ouais. Tout va bien? Ouais. C'est une bonne réponse. Orelsan, évidemment. Elle a pas inventé l'eau chaude, celle-là. Ah, Mamie Simone, respectez les auditeurs, c'est grâce à eux que vous êtes là. Oui, je suis pas payé, alors bon, hein. On enchaîne. Où est ton papa? Dis-moi, où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne le va pas. Un sacré papa, dis-moi, où es-tu caché? Oui, on a compris. Je pense qu'elle a trouvé Eve. Où es-tu caché? Maille. Ouais, bien joué. Où t'es, papa, où t'es? Papa. Allez, elle me speed tout ça, Mamie Simone, elle me fait le dernier en speed. Qui a vu... Bah, taisez-vous, j'y vais. Oh. Qui a vu le cœur donné? Le monde a le cœur déchiré. Il aimerait tellement aimer. Mais les hommes, où t'ont-ils fait prisonnier? Alors. C'est le cœur donné de Soprano. Hey, oh, elle est morte. Oh, bravo. Hey. Bravo. Oh. Oui. Cadeau pour toi. Bam, bam, ding, ding, ding, ding. Eve, on t'envoie ce qui peut te faire plaisir à la maison. T'as déchiré 3 sur 3. Ah bah nickel, parfait. Ça fait plusieurs années que je fais ce jeu avec Mamie Simone et je crois qu'on n'a jamais eu 3 sur 3. Mais non, ils sont tous nuls, sauf Eve. Oui, ah, vous l'aimez bien, mais non. Hein. On va pas remettre en cause la blonde. On va pas remettre en cause vos talents d'interprète, Mamie. Absolument pas. Je chante très bien. Je suis une diva, sachez-le. J'aurais pas mieux dit. Je vous fais des bisous, Mamie Simone. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, alors juste à la télévision, vous êtes très mal coiffée. Je tenais à vous le dire. Merci, ben je me recoiffe en fin de vision. Des bisous, Mamie. Et bisous, Eve. Poutou. Bisous, Mamie. Eve, ne raccroche pas. On te gère ce qui peut te faire plaisir, ok? Parfait, merci, c'est gentil. Bisous, bisous, Eve. Bisous. Voici Aya Nakamura sur Fun Radio. Bye. Bonne soirée sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi tout le monde. 20h25, on est en direct. Je m'appelle Mike, il y a Lorenza également, Coralie qui est active au standard, oui. Et qui vous répond 02 851 4x0. On est connecté également sur la SMS 3044, coucou à vous, Anina d'Anderlecht qui nous dit ça, il y a Dorian aussi qui est connecté sur la SMS. Et vous pouvez d'ailleurs vous inscrire pour les prochains jeux, puisque dans quelques instants, Lorenza en prendra notre premier sélectionné de la soirée. Ah, qui aura peut-être la chance d'être rappelé, c'est quand c'est vendredi, c'est vendredi chez Samy et Chloé, entre 16 et 19, pour gagner une semaine de vacances au soleil. Avec quoi. La personne de votre choix, évidemment. Rêve. Pour kiffer, pour se faire des vacances prolongées. Ouais, c'est ça. Voilà, vous inscrivez comment ? Alors, il vous suffit d'envoyer Fun au 6322 pour 1€ le message. Et là, vous aurez peut-être la chance de partir une semaine au soleil pour 4 personnes quand même, avec vacances soleil et célibote. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas si t'as vu cette histoire aux États-Unis, Lorenza, ça se passe dans l'Oregon. Ça concerne les animaux, j'aime beaucoup les animaux. Ouais, moi aussi. Il y a 45 taureaux qui se sont échappés de leur enclos. Ça j'aime moins, tu vois. Pourquoi ? Parce que le propriétaire a oublié de fermer la porte de l'enclos. Oh non, le mec, quoi. La commune de la ville a alors pris une décision très maline. Ouais. Ils ont envoyé un troupeau de femelles en chaleur pour les attirer. Et les faire revenir dans leur enclos. Non. Le seul problème, les trois quarts des 45 mâles sont castrés. Oh non, merde. Donc, ça veut dire qu'ils sont castrés. Et donc, ils sont pas sur ça. C'est le, c'est le principe. T'as pas de testicules, t'as pas envie de faire l'amour. Normal, ouais. Et du coup, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as pas envie de testicules. C'est donc pour ça que les femmes ne veulent pas avec moi. Elles ont pas de testicules, c'est pour ça. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Ouvert aux Anversois, aux Waterlootois et à ceux qui ne quittent jamais la capitale. Bref, ouvert partout en Belgique. Basic Fit, ouvert à tous, à 19,99€ par mois. Avec plus de 170 clubs en Belgique, il y a toujours un Basic Fit près de chez vous. En ce moment, fitness gratuit jusqu'au 1er novembre et un sac offert. Offre sous condition, voir sur basic-fit.be. Fun Radio. Now to judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing along. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. tous les soirs dès 20h, Mike retourne la Belgique. Je m'en bats les sur Fun Radio. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. When the lights go down and the stars come out, I'll be ready, I'll be ready. I'll be here for you when your heart breaks, when you lose faith, yeah, I promise. Choisi Fun Radio, où que vous soyez, partout en Belgique. On est là pour vous ce soir. 02851 4x0, le numéro. Tous les soirs, prenez la parole. A space of freedom and no judgment. 02851 4x0, Mike sur Fun Radio. Et venez faire de la radio avec nous, les amis. Venez en profiter. On est là tous les soirs, du lundi au jeudi, de 20h à 23h. On est même là le dimanche. Et un petit peu plus tard, 21h minuit. Dans quelques instants, on va retrouver David Kaufman pour le Fun Games, le retour du Fun Games. Il a des cadeaux, si j'ai entendu dire. Ah, il n'est pas venu les mains vides. Oh. Et tu le connais. Oui, oui, je le connais. La générosité. Dans quelques instants, et vous pourrez gagner tout ça, évidemment, en envoyant des SMS au 3044. Vous pouvez vous inscrire aussi pour participer à l'émission. Vous voulez parler d'un truc. Vous êtes un petit mythe, vous n'avez pas appelé Coralie au standard. Vous pouvez envoyer un message sur le Facebook. Ma page Mike Fun Radio. Pardon. Toutes les deux en même temps. Est-ce qu'on ne ferait pas quelques petites news inutiles? Allez. De vraies infos que vous aurez oubliées dans 5 minutes, des petites infos pour vous la raconter comme ça, pour faire le mec cultivé. Ah ben, on est très culturés, nous, dans l'émission. Ah ben oui, hein. On y va, tu vois, si les news inutiles sur Fun Radio. Allez. Ça va se lancer. Allez. Quoi, un pirate ou quoi, les gars? Attention, c'est les infos. La prochaine fois, Lorenza, c'est toi qui le fais. Ça va. Une libellule, ça ne vit que 24 heures. Oh. C'est con si elle tombe malade, quoi, je veux dire. toi. Alors, moi, j'ai la marque Lego, tu vois. C'est une contraction en fait de Leg Got qui signifie joue bien en danois. D'accord. Voilà. voilà. Un suppositoire. Je vais lever le doute. Je vais lever le doute à tout le monde. Ça s'introduit par le côté plat et non pas par le côté fuselé. Non. Et voilà. Tout le monde se trompe. Attends, mais quoi? C'est pas à l'horizontale, quoi. Non. À tester, à tester. Allez, vas-y, une dernière avec Lorenza. Alors, c'est hyper chelou. Il faudrait en fait environ 595 oranges si vous voulez souhaiter recharger votre iPhone avec des agrumes. Alors quoi? Bah les couilles. Allez dire c'était les infos. Oh ouais. Enfin, on va te briefer. Je vais me briefer. Bon les amis, dans quelques instants on aura d'autres news inutiles à vous donner tout à l'heure. On va se retrouver le Fun Games tout à l'heure et tout de suite ouais on accueille Sophie qui est là. Salut Sophie. Bonjour. Hello. Bonsoir. Comment ça va ma petite Sophie? Tout va bien, tout va bien. Tu es à Namur. Tu fais quoi dans la vie Sophie? Je travaille dans le tourisme. Très bien. Je suis pour une agence de voyage. Non, pour faire la promotion de plusieurs communes. D'accord, très bien. Tu bosses pour quelle commune? Donc, entre autres, Namur, Andenne, Assès, la Maison du Tourisme, Vallée de la Meuse, Namur-Dinan. Wow, okay. Très bien. Okay. Bah, ma chérie, on va jouer. En plus, tu es une femme accomplie professionnellement et une maman heureuse, puisque tu es la maman d'Hugo, c'est ça? C'est bien ça, oui. Il a 14 ans. 14 ans, oui. Et toi, tu as 37 ans. Ouais. 37 ans, oui. Donc, il a 14 ans. Il a 10 ans. Oui. Il a 37 ans, je suppose 2, je retiens 3. Tu l'as eu à 16 ans donc, c'est ça? Oh non hein. Je suis pas très bon match. On va jouer ensemble. Voilà. Tu vas essayer de rendre fou Hugo parce que tu m'as dit qu'Hugo s'énervait super rapidement. Ah oui, tout à fait. Bah, tu m'étonnes, t'as 14 ans. Ouais, c'est un vrai ado quoi. On est en début de crise d'adolescence. Plein dedans même à 14 ans. Mais t'as un cap pour rien. Ça fait longtemps qu'il l'est en crise d'adolescence. T'as fait comment ta crise d'adolescence, toi Lorenza? Moi, j'ai mis la misère moi. Je faisais le mur. Enfin, je faisais. Oh là là. Tu vois, on m'avait pris en train de fumer une cigarette et on m'avait dit ouais, on t'a vu sur une photo. Je fais non, mais c'est pour tester avec ma copine. Elle m'a fait c'est pas cette photo là. Ah oui, c'est une Kaira. Bim. Lorenza, c'était une Kaira. Bon, alors, on va appeler donc Hugo, Sophie. Tu vas lui faire croire que t'es en garde à vue, c'est ça? Oui. Et tu vas lui faire croire que t'es en garde à vue à cause de lui, parce qu'il est fan de consoles, de jeux vidéo, tout ça. C'est un petit geek. Oui, tout à fait. Il exagère d'ailleurs, donc voilà. On va faire le Fun Games dans quelques instants d'ailleurs. Alors, on va l'appeler dans deux secondes. Tu bouges pas? Ok, pas de soucis. Laying on the front line, live into the bass drum, sipping on a 40. And someone's on the rooftop, lighting up like Snoop Dogg, and it's only Tuesday. Tryna train you, baby, turn you to my soldier. Tryna help you prosper, I'm a trout prophet. You know they really pop it, they don't really got it. I just wanna see you shop, shop, see you drop. Pull off with the title, top, drop, out the lot. She don't wanna lead her while she know the night thick. So as the plot thick, so does Gucci's heart thick. All I need in my life. Bonne soirée tout le monde, bienvenue sur Fun. Tous les soirs dès 20h, Mike retourne à Belgique sur Fun Radio. Et on vous attend, venez participer à l'émission, c'est la vôtre cette émission. Et là pour vous détendre, pour vous accompagner, vous pouvez nous appeler Lorenza le numéro le avec une voix sensuelle s'il te plaît. Ok, attends, j'essaye, hein, je me suis entraînée. 02 851 4x0. Bon. On est pas au point. Ça le fait quand même. Voilà, voilà. Tu peux dire, tu veux trouver des filles chaudes dans ta région? Tu veux trouver des filles chaudes dans ta région? Ouais, on est sûr, c'est pas toi qui le fais. Il y aura Dadu dans quelques instants. Le Django. Et ce soir, hashtag Libertad, hashtag Vent de Liberté, comme il l'a mis sur Facebook. David Kaufmann est avec nous. Ça va bien, les amis? Comment ça va, mon Kaufmann? Ça va, David? Ben, ça va, écoute, je suis arrivé et j'ai senti ce vent de liberté sur moi qui m'entraînait jusqu'à sentir une odeur de pisse. Là, malheureusement, j'ai croisé ta mamie, Simone, qui s'était lâchée parce que tu l'as laissée enfermée, donc il y a de la pisse partout. Mais il ne me lâche pas avec le vent de liberté, le Libertad. Écoute, c'est sa passion, David. C'est toute une histoire. Tu nous as ramené plein d'infos sur les jeux vidéo. Exactement. Je sais pas si on va parler de jeux vidéo ou d'amour, parce qu'à mon avis, en septembre, beaucoup de couples vont se briser. Il y a tellement de sorties que, ouais, à mon avis, les couples vont pas résister à ça. Il y en a pas moins de 10. J'en ai sélectionné 3-4, dont la première qui arrive très vite. Si je te dis masqué, si je te dis toile d'araignée, vous me répondez Spider-Man. Oui, oui, le super-héros est ouais, enfin de retour. Début septembre, le 7 septembre, et il est en exclu sur PS4. Grand monde ouvert, plein de choses à faire, des boss qu'on a l'habitude de voir. Sa petite amie aussi qui serait la Mary Jane. J'y ai déjà joué, c'est du très très lourd. Et devine quoi, on l'offrira dans l'émission. C'est vrai? Ouais, parce que je suis là aussi pour ça, je l'ai bien compris, pour vous faire plaisir. Une semaine plus tard, elle est belle. Elle est aventurière, elle chasse des trésors. Je sais. C'est qui? Lara Croft. C'est Lara Croft. Tu vois, il y a une bonne élève dans l'équipe. Ça fait plaisir de sortir. Il y a un domaine dans lequel elle est au-dessus. Ouais, c'est sûr. D'accord. Et voilà. Donc, Lara Croft est de retour dès le 14 septembre et on va enfin peut-être connaître les origines de Lara Croft. Pourquoi est-ce qu'il pillait des trésors? On espère en savoir un petit peu plus sur cette aventurière qui, ma foi, à mon avis, nous réserve de très bonnes surprises. Puis, le 27 septembre, on a envie un petit peu de se détendre. Life is Strange 2, c'est un jeu narratif, c'est très très cool, ce sont des très belles histoires. Et là, pour le deuxième épisode, pour le coup, on repart avec des tout nouveaux personnages, on fait table rase du passé. C'est un jeu qui joue en épisode, 5 épisodes dans la saison 2, c'est un peu une mini-série finalement, dont tu es l'acteur. Et puis on va terminer par l'incontournable. Le 28 septembre, les amateurs de foot seront derrière leur console, FIFA 19 débarque. Oh là là là là, non. Si, avec beaucoup de nouveautés, avec la Champions League qui est de la partie, avec la Ligue espagnole dont FIFA a les droits, des améliorations graphiques, des améliorations au niveau du gameplay et pas mal de choses assez intéressantes. Et là, je t'ai réservé du très lourd. Je sais pas si on peut encore en parler, bah mais il y aura console, il y aura des jeux à gratter toute la semaine chez toi. Wow, avec plaisir. On fera des concours et tout. Si vous êtes adepte de FIFA, vous voulez qu'on se fasse un concours ensemble, un petit tournoi FIFA. Je t'ai réservé du très haut niveau. Je t'ai réservé un champion FIFA que tu vas devoir affronter. Ah ouais? Ouais. Ça fera des souvenirs et du bêtisier. Je te prends au mot. Et quand on sait qu'il y a Red Dead Redemption, Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, Pokémon, The Division et encore beaucoup d'autres qui arrivent, je pense qu'on vous allez pas vous débarrasser de moi aussi facilement que vous le voudriez. Et pour vous faire plaisir, tout à l'heure j'ai du cadeau, j'ai ramené quelque chose. Encore? Branchez-vous sur funradio.be en Funvision. J'ai le cadeau avec moi, je vous le montre tout à l'heure. Ah, c'est ce que j'ai vu dans le studio à côté. C'est la grosse boîte. C'était ouf, hein. Ah ouais, c'est du gros niveau. Là, on s'est pas foutu de votre gueule. Ça donne quoi amis, quand c'est Noël avec toi? Parce que. Écoute, je me transforme en Père Noël et j'ai mes rennes et je livre du cadeau. Il y a plein de jeux en tout cas qui vont sortir, David Kaufmann et le Fun Games. Bah, merci à toi, David. On se fait ça tout à l'heure. Avec plaisir. Concours. Voilà, Lorenza, cool. Tu n'auras bientôt plus de nouvelles de ton mec JP. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, ne filez pas mon mec, s'il vous plaît. 20h44 sur Fun, on est en direct, merci David, dans quelques instants, on va se faire, on va récupérer Sophie, qui veut se faire le jeu de la garde à vue, qui veut rendre fou son fils Hugo. C'est ça, ouais. Comme ça qu'il s'appelle. Hein, oh ouais, il a 14 ans. On se fait ça dans un instant sur Fun Radio. Après Dadju, hashtag Vent de Liberté, tous les soirs sur Fun Radio. Je me porte mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Les chaînes comme Django.

ouais. de l'invention du plastique. Ah bah c'est super. Ben voilà, c'était en 1908 et c'était un chimiste belge, ouais. naturalisé américain qui s'appelle Léo Backland, okay. qui découvrit la matière plastique à l'issue d'une expérience. Et aujourd'hui, on la retrouve partout, hein, le plastique. Ouais, il y en a partout. Du plastique partout. Je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a 110 ans, il n'y avait pas de plastique. Ouais, pas d'objets, pas d'ustensiles, pas de jouets en plastique. Et les chanteuses devaient évidemment garder les mêmes seins que ceux qu'on leur avait donnés à la naissance. Et ça, franchement, gros respect. Il y a Post Malone qui arrive aussi. On se fait plaisir ce soir sur Fun Radio et on va récupérer Sophie. Sophie, toujours là ? Je suis toujours là. Bon, ma petite Sophie, tu es toujours à Namur, tu as toujours 37 ans et tu es toujours la maman de Hugo, 14 ans. C'est là qu'elle te dit non. Exactement. Je préfère vérifier. Donc, Hugo, il est en pleine crise d'adolescence, tu nous disais. Donc, on va essayer de le rendre fou un petit peu. C'est le concept du jeu de la garde à vue qu'on fait chaque soir dans l'émission. Le jeu de la garde à vue, vous faites croire à l'un de vos proches que vous êtes en garde à vue et que vous utilisez l'appel qu'on a le droit en garde à vue. Ouais. Pour appeler un de vos proches et pour généralement le, essayer de le rendre fou en lui demandant un service, etc. Donc là, tu vas l'engueuler, tu vas lui faire croire que c'est à cause de lui et à cause du fait qu'il a téléchargé sur le Darknet ou je sais pas quoi, ou téléchargé illégalement, que tu te trouves au poste, ok ? Ok, ça va, pas de soucis. Tu pars là-dessus et tu me le rends fou, t'as deux petites minutes, ok ma chérie ? Ok, ok, parfait, merci beaucoup. On y va, Sophie, il y a du cadeau Fun Radio évidemment pour toi si tu réussis à énerver ton fils, mais à me l'énerver correctement. Ça va, je vais bien essayer de l'énerver. On va voir s'il va se lâcher. Ça marche. Attention, ça sonne. Ça va. Allô ? Oui, Hugo ? Ouais. Hugo ? Oui, dis, c'est moi. Là, il y a un gros souci. Je ne sais pas ce que t'as foutu. Là, c'est pour ça que je suis vite partie. On vient de m'appeler. J'ai de la gendarmerie ici à Jambes. J'y suis. Et il y a un gros souci. Apparemment, tu aurais fait un truc avec une histoire de Darknet avec ta PlayStation. Donc, je ne sais pas ce que t'as foutu, mais voilà. Darknet. C'est moi qui m'en tiens. Oui, oui, qu'est-ce que t'as fait? Mais oui, Hugo, attends, j'en ai marre avec cette PlayStation. Donc là, ben voilà, on a rien fait. Mais Hugo, attends, ici, là, on me demande, ils vont venir à la maison et ils vont venir retirer tout pour débrancher tout ça. J'ai encore rien dit à papa, hein. Je suis partie vite parce que on m'a demandé de passer au plus vite pour un problème. Et apparemment, c'est toi. Moi, c'est pas moi qui vais sur ta PlayStation, hein. Et donc. Je fais rien à part jouer à Fortnite. De quoi tu dis? Comment? Tu fais rien par jouer à Fortnite. Bah, tu fais rien par jouer à Fortnite. Bah, apparemment, si. Ta chaîne, c'est pas via ça ou je ne sais pas, c'est quoi Darknet? Moi, j'ai rien compris. Hein. Je ne comprends mais pas. Darknet, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais utilisé ça. Darknet, c'est un truc où t'as des armes et tout. C'est un Hugo, truc interdit. Hugo, débranche ta PlayStation. Il leur faut le GSM aussi. Ils ont dit qu'ils allaient faire, par rapport à tout ce qui était le bazar électronique, ils doivent vérifier tout. Ils vont tout venir prendre. Donc, voilà. Ils vont arriver. Moi, je dois rester ici en attendant et en attendant qu'il y ait toute une vérification. Quoi. Putain, qu'est-ce que t'as foutu, quoi? C'est terminé, Hugo. Mais joue que Fortnite et Darknet, c'est ce que c'est au moins, Darknet? Non, je n'en sais rien. Moi, je suis là, je n'en sais rien ce qui se passe, quoi. Donc, Darknet, voilà. C'est un truc d'armes et tout, et c'est avant des trucs illégaux, mais pourquoi j'utiliserais ça? Ouais, bah, à mon avis, tu me caches beaucoup de choses. Tu fais le petit sein, là? Ah, bah, si. Apparemment, oui. Attends, tu vois que je ne dois pas te faire confiance. Il n'y a rien à faire, quoi. Tu es non-stop dessus, quoi. L'école va recommencer, t'as l'air continue, ben, je suis bien contente. Maintenant, tu peux débrancher tout, quoi. Vraiment, tout. D'accord? Tu prépares tout? Moi, j'aimerais bien revenir. On doit partir avec Catherine et tout ça. Donc, apparemment, je ne sais pas si je peux venir avec la police ou ils viennent tout seuls, mais en tout cas, prépare tout. Et donc, voilà. Ça va? J'ai rien. T'as rien fait. Ben non, tu ne fais jamais rien. Attends, on va y aller, madame. On va aller chez vous, à votre domicile. Ah, je vais aller avec vous alors. Vous allez nous accompagner. Oui, on va. Oui. Il va falloir tout mettre dans un sac et on va tous venir chercher. Ok, Hugo. Collègue Lorenza, vous avez plus de précisions sur le dossier. Apparemment, oui, peut-être m'expliquer. De shit. Ah, de stupéfiant. On est sur du produit stupéfiant. C'est un produit stupéfiant qui a été commandé sur le Darknet, donc. Oui, ouais, c'est bien ça. Hugo, t'as comment? Tu fumes? Hugo, mais non. Hugo, attends. Hugo, qu'est-ce qu'il y a? Si. Mais non, ça va, oui, ça va. Ah là, on a la preuve formelle, un 12 de shit qui a été commandé. Ah, oui, mais c'est... Oui, et c'est pas avec un copain que tu fais cette ta chaîne? Mais là où? Non, mais ça va, calme-toi. Non, mais on va vérifier tout, hein. Donc, calme. Donc, ce qu'on va faire, on va aller saisir la console. Vous avez quoi, madame? Vous avez une PS4, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Oui. Même les téléphones. Est-ce que votre fils peut tout nous préparer? Et par contre, madame, on sera obligé de couper votre connexion Internet. Hein. Vous n'aurez pas Internet jusqu'à l'issue du jugement. Hein. D'accord, oui, d'accord. Il faut compter au moins 12 à 15 mois sans Internet. 4. Oh là là là là là. C'est le minimum. Hein. De quoi tu dis? Hugo, t'es où? Hugo? Quoi? Je dis rien. Hugo? J'ai rien dit. Voilà. Ah voilà, ben oui. Ben donc, il n'y a plus de Wi-Fi, comment on va faire? La télé, tout ça pour nous. Nous, on n'en peut rien, quoi. Mais j'ai rien fait. Oh. Ben, Hugo. Oh, Hugo. Hugo. Oh, il a raccroché. Rappelle-moi Hugo tout de suite. Attends. Le fou, il raccroche quand tu même. Tu veux pas essayer en fait. De le rendre dingue encore en 10 secondes là, tu t'essayes de le rendre dingue, oh, je sais pas, tu. Ah oh, mais non, ouais, non mais là j'ai mal au cœur. Ouais. On va le dire. Ouais, c'est vrai. Il m'avait fait un peu de peine. Oui, il est super sensible, donc là, j'ai mal au cœur. Mais il faut dire que t'es très crédible en même temps. Ouais. Même moi, j'étais pas bien pour lui. Vas-y, on va rappeler Hugo, là. Il t'a quand même raccroché à la gueule. Oui, quand même. Hein, oui, sans pression. Rendu compte. Ah, il a raccroché. Oh, Hugo, on va même pas pouvoir lui dire que c'est une connerie. Il est triste, vénère, il dit non, c'est bon, moi, je décroche. Tu vas pas savoir rentrer chez toi, derrière. Bon, et il répond plus du tout. Vas-y, ça sonne. Attends, on va essayer de l'avoir quand même, lui dire que c'était une blague. Pauvre Hugo, il doit entendre pleurer, le pauvre. Oh là, il va m'en vouloir à mort, c'est lui qui va péter un plomb. T'as quand même dire que c'est une petite vengeance pour toutes les heures qui passent sur sa console. Notre correspondant n'est pas disponible. Oh merde. Bon, attends, je laisse un message. Après le bip sonore. Bon, mon petit Hugo, t'as raccroché. Déjà, on raccroche pas au nez de sa maman, c'est pas bien. Pas bien. Surtout pas si elle est chancée chez la police. En plus, ta maman, elle est trop cool parce qu'elle a appelé Fun Radio pour te faire une blague. Allez. Ben ouais, voilà. C'était une blague, mon petit Hugo. C'était une blague, Hugo. Je t'ai eu, hein, cette fois-ci. Ah. Bon, on te fait des bisous. On va te rappeler. Hein, et décroche cette fois-ci, on va te gérer un cadeau. Et on gère un cadeau à ta maman aussi. Sophie. Ah, super. Je te remercie, merci. Sophie. T'as déchiré. Ouais, t'as déchiré. C'était cool. Merci. Tu reviens quand tu veux. C'est gentil, merci beaucoup. Gros bisous, Sophie. Donc, à la prochaine. Je vais rentrer, je lui dis qu'il réponde alors. Ça va. Des bisous à toi. Gros bisous. Merci, bonne soirée. Au revoir. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. So you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new, cause baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. But I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? But ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you. But my darling, I am still in love with you. But I guess you look happy. Bonsoir à la famille, merci d'écouter Fun Radio. toute la Belgique en entier. Ramenez-vous tous les soirs ici en full bordel. Charleroi, Liège, Bruxelles. Namur. Non, vas-y, dis la ville. Brenelle, Waterloo, ouais. Ouh. Ouais, je m'emballe, pardon. Ah ouais, là. Rejoins le mouvement. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Wouhou, merci Lorenza, à 21h12, on est là, bien en direct sur Fun Radio. Numéro 1 sur les conneries le soir en Belgique, vous pouvez nous appeler au 02 851 4x0. On est connecté sur l'SMS au 3044. Dans quelques instants, on se fera le Fun Games, deuxième partie avec David Kaufman qui sera là. Le retour de Kaufman ce soir qui n'est pas venu les mains vides. Ah ouais, on voit déjà en studio là. Branchez-vous sur la Fun Vision. Comme d'habitude, c'est un truc collector. Vous pouvez gagner ça qu'en écoutant Fun Radio. Et on vous l'offre dans quelques instants. Kaufman va tout nous dire. Vous êtes inscrit aussi au 6322 en envoyant le code FUN, F-U-N, pour tenter de remporter votre semaine pour deux personnes. Quatre. Petite Lorenza, quatre personnes. T'imagines, le double quoi. Au soleil, dans un des campings étoilés de votre choix. Et donc c'est en France. Et vous pouvez même faire une journée en bateau de luxe, machin et tout. C'est un truc de fou. On va jouer. Pour ça, on va jouer avec... qui est là? Allô, allô? Noémie. Salut Noémie. Salut toute l'équipe. Hello. Ça va bien Noémie? Ça va et vous? Bah oui, tranquillement. Oui. Tu as 22 ans, tu m'appelles de quel endroit en Belgique? De Angers. Ah, c'est vers Flémal ça? Oui, c'est ça. Ça, vers les... Très bien. Tu fais quoi dans la vie? Pardon? Tu fais quoi dans la vie? Je suis toujours étudiante. Étudiante en quoi? C'est des études assistant de vétérinaire. Ah, oh, très bien. Très chou. Je te prends en antenne, j'ai une ex à piquer. bref, on va jouer ensemble à camping ou pas camping, parce que c'est les vacances, c'est la fin des vacances, et pendant les vacances, j'ai trouvé une petite statistique, il y a 17% des Belges qui sont partis en camping. Du coup, on va jouer à un jeu qui s'appelle donc camping ou pas camping, je te donne des noms de camping, et à toi de me dire si ça existe vraiment ou pas. Ok, ça va. D'accord ? Attention, si tu te trompes, je serai obligé d'ouvrir la poubelle Fun Radio et de diffuser un son. En fait, on a une poubelle ici à Fun Radio, ouais, dans laquelle on met tous les sons qu'on n'aime plus. Oh. D'accord. Donc j'espère ne pas en ça arriver là. On y va, t'es prête? Si t'as plus de bonnes que de mauvaises réponses, tu te sélectionnes pour peut-être être rappelé samedi dans l'émission de Samy et Chloé. Vendredi, dans l'émission de Samy et Chloé. Entre 16 et 19 pour la semaine pour 4 personnes. Attention. Tu m'as dit si c'est vrai ou faux. Le trousse-poil. C'est faux. Tu me dis c'est faux? Eh bien non, ça existe, un vrai camping. Oh non, que tout on va écouter une merde. À Longeville-sur-Mer, si vous ne voulez pas y aller, voilà, c'est... Alors, je suis donc obligé d'ouvrir la poubelle Fun Radio. Ouverture de la poubelle, attention, non, je vais pas mettre ça. Oh merde! On se dit tous nos moindres secrets. Voilà, j'ai les deux meufs en face de moi, je les contrôle plus. C'est bien la meilleure amie, chasseur. Ouais, ouais, c'est bon, ouais, les gars, on a des chiffres. Alors, la pinède des pin-up. C'est faux. C'est faux. Le caravaning de la ferme de la fée. C'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Le camping municipal de pisse sur vache. C'est vrai. Non, c'est une fausse. C'est un faux camping. Je vais donc réouvrir à cause de toi la poubelle énergie. Franchement, tu te rends compte qu'on est obligé de faire à cause de toi. Noémie, j'espère que t'es fière. Par semaine, c'est ça pour qu'on voit ma peau. C'est qui ça? Un machine. Par semaine, mon Dieu, quelle est belle. Ouais, c'est bon. Vous vous calmez, s'il vous plaît. Encore une. Le camping tout nu et tout bronzé. Tout nu. C'est vrai. Mais non, c'est faux. C'était faux. C'est pas que ça m'amuse d'ouvrir la poubelle, mais c'est la sanction. Et nous qui sommes obligés. Tous, c'est tous, quoi ça? Atore, Molinas, tous. Je sais même plus c'est qui chante. Alors, je sais plus qui chante. Bon, merci. Allez, et le dernier. Stella, Stella. Ouais, c'est ça. Barakiland, vrai ou faux? Faux. C'est faux, effectivement. Ça te fait 1, 2, 3, 2. Allez, c'est bon, c'est gagné. Bien joué. On te sélectionne, ma petite Noémie, et peut-être qu'on te rappellera. Ce vendredi entre 16 et 19h, tu ne lâches pas ton téléphone, tu restes bien à côté de ton téléphone, d'accord? Si jamais Samy et Chloé te tirent au sort et on t'appelle, ce sera pour t'annoncer que t'as gagné ta semaine. Ouais, ta semaine avec Vacances Soleil et Celestie Boat. On te fait des gros bisous. Merci beaucoup, gros bisous. Tu reviens quand tu veux dans l'émission dans quelques instants. Fun Games avec David Kaufman et du cadeau à Péchouche. Nous avons une belle boîte dans le studio. On va pas vous dire ce que c'est, on va lui réserver la primeur de cette annonce. Ouais. Mais c'est un truc collector. Franchement, ça vaut le détour. C'est un truc qu'on peut gagner que sur Fun Radio, on est d'accord, ma petite. On est d'accord, on est entièrement d'accord. Branchez-vous dès maintenant, vous connectez sur l'application là pour voir ce que ça donne sur la Fun Vision, les amis. On est en vidéo comme tous les soirs et puis on est live à la radio dans toute la Belgique. 02 851 4x0 pour nous rejoindre, pour venir participer à l'émission, pour rejoindre le mouvement tous les soirs sur Fun Radio. Hashtag Vendre Liberté. Tous les soirs sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi, la famille. On vous accompagne. On fout une claque à tout ce qui se passe à la même heure sur la bande FM. Tous les soirs, dès 20h, Mike retourne à Belgique sur Fun Radio. Et on est là, les amis, avec dans quelques instants le Post Malone. C'est Better Now qu'on va s'écouter, le nouveau Post Malone. On va jouer aussi ensemble. Lorenza, un petit sondage pour nous. Ça concerne quoi le sondage, ma petite Lorenza? Ça concerne la mauvaise humeur des femmes. Ah, très bien. On va en parler dans quelques instants. Je suis pas d'accord. Donc il y a beaucoup à dire. N'est-ce pas, David? Oui, elles sont deux, on est deux. Donc voilà. Jusque-là. C'est ça, ne quitte pas ce studio, je vais avoir besoin de toi pour être à égalité numérique. On va essayer de pas les fâcher. David, tout à l'heure, tu nous as fait le Fun Games. Et là, c'est l'heure de récompenser les auditeurs. Ouais, si vous êtes branché sur funradio.be, regardez ce que j'ai dans ma main, une grosse boîte. Et c'est quoi? C'est la nouvelle extension de World of Warcraft Battle for Azeroth. C'est du très très lourd. Si vous aviez toujours rêvé de choisir votre camp, parce qu'il y a deux camps, il y a la Horde et l'Alliance. C'est un peu le bien contre le mal, si tu schématises. Eh bien, tu vas pouvoir enfin te faire plaisir. Il y a de nouvelles races, il y a de nouveaux lieux à explorer dans cette nouvelle extension. C'est très très bien fait, ça. toujours pas faire des cochonneries avec les elfes ou avec les nains. Écoute, je peux t'arranger quelque chose, mais ça sera en privé. Ça sera en privé. Donc, on a l'édition collector. Hein, on s'est pas foutu de vous. Il y a pas mal de choses. Et même si vous jouez pas à World of Warcraft, il y a des bonus pour d'autres jeux, pour Overwatch, pour Hearthstone, pour Heroes of the Storm, pour Starcraft 2. Donc voilà, il y a plutôt du contenu assez sympa et ça promet aussi beaucoup d'heures de jeu. Donc, si vous êtes en couple, méfiez-vous, ça peut vous jouer de cette tour. Et je suis bien placé pour vous le dire. On va remixer. C'est pas Lorenza fout le bordel dans ton couple, c'est Kaufman fout le bordel. Pour le coup, vraiment, c'est des centaines et des centaines d'heures de jeu. Tu peux rejoindre des guildes, faire partie de clans. Tu pars vraiment à l'aventure. C'est graphiquement, c'est très très bien fait. Enfin, moi, j'ai craqué. Je ne dors plus, je ne mange plus et je fais pipi dans une bouteille. Allez voir sur le funradio.be sur la Funvision. Kaufman est en train de vous monter cette boîte collector World of Warcraft. Oui, World of Warcraft Battle for Azeroth. L'accent World et tout. T'as vu ça? On fait comment pour gagner, Kaufman? Bah écoute, je sais pas, il va falloir. On envoie jeu? Ouais, jeu au 6322, 1€ le message. Jeu 6322, 1€ le message, merci de me le rappeler. les amis, vous bastonnez les SMS et puis on va sélectionner une personne dans quelques instants. On va vous rappeler pour vous offrir cette boîte collector offerte par Kaufman et Smart Toys ce soir. Merci mon David. Avec plaisir. Merci. On va récupérer quelqu'un après Post Malone. Vous envoyez jeu au 6322. On vous offre un cadeau collector ce soir. Post Malone, voici Better Now sur Fun Radio. On est bien en direct jusqu'à 23h. Libertad. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said it. I believe that it would end, no. Everything came second to the bands, oh. You're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, oh. 20 candles, blow them out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dress up with the socks you don't like. And I'm rolling, rolling, rolling. Like it's Jonas, Jonas. Drinking Henny and I'm trying to forget. But I can't get this shit out of my head. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said it, I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down. Cool. I was so broken over you. Life, it goes on, what can you do? I just wonder what it's gonna take. Another foreign or a bigger change. Because no matter how my life has changed, I keep on looking back on better days. You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Gave you anything, would've gave you everything. You know I said it. Bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir choisi, c'est Fun Radio, on est là, tout va bien. bien en direct avec Kaufman. C'est le Fun Games, les amis. Oui, monsieur. Et Kaufman, qui n'est pas venu les mains vides, il nous a ramené une boîte collector. Oui. Un truc que vous ne trouverez pas dans le commerce, comme d'habitude. Redis-moi un peu le nom du jeu. World of Warcraft. Ouais, c'est World of Warcraft. C'est bien ce que je disais. Une bonne occasion de me foutre de ta gueule. World of Warcraft. C'est bien, dit foutre de ta gueule en bugant. Ouais. Vous envoyez jeu au 63-22, les amis. On vous laisse encore quelques minutes. On vous laisse quoi? Allez, 30 secondes. 30 secondes, une minute pour envoyer jeu. Où tu mets la pression, toi? Maintenant. Où tu mets la pression? 63-22, les amis. On fait quoi? On prend le premier message qui arrive? Ouais, ouais. On peut faire comme ça. Non, on prend le cinquième qui arrive. Le cinquième qui arrive au 63-22. Il est pas chiant comme mec, hein. Attends, il faut que tu dises quand. Est-ce qu'il faut qu'il envoie? À partir de quand? Allez-y maintenant. Maintenant. Non, mais les gars, on fait pas comme avant. C'est maintenant, c'est une nouvelle émission. Vous envoyez jeu au 63-22, les amis. On va sélectionner quelqu'un dans quelques instants. Tiens, je sais pas si vous. Je viens de voir un truc sur internet, un truc de fou. Une interview d'un scientifique qui a dit que dans un avenir proche, on sera en mesure de greffer un corps entier. Mmh. Genre, tu peux tout greffer, la tête, tout ça, ta tête sur quelqu'un d'autre, par exemple. Bonne nouvelle, ça permettra à Lorenza d'avoir un cerveau. Quoi. je le savais. Non, mais c'est génial, niveau. Enfin, la science avance. Ouais, c'est ouf, c'est vrai. Franchement, on n'en est pas encore là. Mais déjà, s'il pouvait juste greffer des pieds aux joueurs de Charleroi, ça serait déjà pas mal. Alvaro Soler arrive. Et c'est bon, Coralie, je crois qu'on a eu nos messages. Tout à fait. Tu peux donc t'arrêter au cinquième message. Il a de la chance ce soir. Oui, et la personne va repartir avec cette boîte collector World of Warcraft. J'y arrive pas. En plus, il a essayé de le passer bien, ouais, comme bien, ça, tu vois. Ça sonne chez qui? Je ne sais pas te dire. Bon. Allô? Allô? Coupe ta radio, mon pote. C'est quoi ton prénom? Cédric. Oh putain, j'ai gagné. Ça va, Cédric? Cédric, c'est gagné. Bravo. Attendez, je me gare. Ah oui, il va faire un accident. Bravo, Cédric. Alors, Cédric, t'es vers où, Cédric? Je suis à Charleroi. Très bien, t'es sur la route, tu reviens du taf, là? Non, je cherche ma femme à son boulot. Et t'en as profité, t'as écouté Fun Radio, t'as entendu qu'il y avait un cadeau de ouf, t'as envoyé un SMS et t'as eu la chance d'être le cinquième. Et tu es plutôt Horde ou Alliance, toi? Bah là, l'Alliance, hein, vous aussi, la Horde. Moi je suis Horde. Calme-toi, mon ami. Oh là là là là. Ça va chauffer. On est dans un duel que je ne peux pas comprendre. Ouais, mais attendez, mais la Horde part en couille. Là, votre reine, entre guillemets, on va la défoncer, vous allez rien comprendre. Ouais, je suis d'accord. Attends, c'est ma mère, la reine. Calme-toi. C'est vraiment super, quoi. On peut lui rappeler ce qu'il y a dans cette boîte, quand même. Tu as remporté l'édition collector, ça contient bien évidemment le jeu, la nouvelle extension, tu as la médaille collector, tu as le livret collector, tu as plein de petits objets aussi qui peuvent te servir pour Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm et Starcraft 2, tu vas être gâté. Oh, je crois qu'il roi. Est joui. Oh, c'est génial. Et ben voilà, mon pote, je te souhaite une bonne soirée, raccroche-moi, prends tes coordonnées, on t'envoie ça, c'est Kaufman et Smartos qui régalent, ok? Ok, un grand merci, je vous aime. Salut, avec plaisir, Cédric. Nous aussi on te kiffe, frérot. Bonne soirée. Et puis Mabon Kaufman, merci à toi. Merci à vous, les on amis. On te retrouve quand on va te laisser partir en vacances quand même, c'est bien mérité, t'étais là tout l'été. Je peux revenir jeudi si vous voulez. Ah bah vas-y, bah viens jeudi avec plaisir. J'ai retardé un petit peu le vol. Pour nous quoi? Ouais, pour vous. Bah parfait. Jeudi, retour du Fun Games aux alentours de 20h30, 20h45. Et mon petit doigt me dit que Kaufman ne reviendra pas les mains vides. Non, j'ai une très grosse surprise pour jeudi. Soyez là, les amis, jeudi. Bonne soirée tout le monde. Dans quelques instants, on va faire un petit jeu ensemble. Il y a Lorenza qui a un sondage à nous donner sur la mauvaise humeur des femmes. Ouais. On se fait ça après Alvaro Soler et Florida sur Fun Radio. Passez une bonne soirée tout le monde. Le numéro pour nous appeler, s'il te plaît, Lorenza. 02 851 4x0. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura con la arena, ya no me puedo controlar, y bajando, bajando, your body. You're so gorgeous, I can't ignore you. I drink your agua, did I say water? See, mommy been like, I need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. For I pretend that I control, I fiesta, fiesta, you ain't gotta be solo. Bajando, bajando, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Come, come, come, dance with me. Ven, ven, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. Ven, ven, baila conmigo, ven y baila conmigo. Come, come, come, dance with me. Tous les soirs, grand rassemblement dans toute la Belgique. Ramenez-vous la famille. Tous les soirs, prenez la parole. A space of freedom and no judgment. 02 851 4x0 Mike sur Fun Radio. Enfin un truc qui change le soir sur Fun Radio, sur la bande FM avec ma petite Lorenza qui m'accompagne. Et on fout le bordel comme tous les soirs. Ouais, tu commences à prendre le rythme. Et t'as vu ? Le numéro pour nous appeler, Lorenza. 02 851 4x0 et d'ailleurs elle est occupée donc allez-y, ça n'arrête pas, elle est au taquet. Coralie est au standard et on check aussi les SMS au 3044, ce qui arrive sur le Facebook en message privé, ce que vous envoyez en commentaire, tout ça. Le Facebook, c'est Mike sur Fun Radio. Tout à l'heure, on a fait un sélectionné là pour le. Il y a beaucoup de cadeaux ce soir. Hein. Ouais, à fond. Il y a eu Kaufman qui est venu avec sa boîte World of Warcraft. C'est Noël avant l'heure, les gars. Et, merci de le souligner. Et tout à l'heure, on a sélectionné une première personne pour peut-être l'envoyer. Une semaine pour 4 personnes dans un camping étoilé de votre choix, donc avec Vacances Soleil et Céleste Boat. Eh bien, on refera ça dans un instant. Les amis, vous pouvez vous inscrire, vous envoyer. Fun au 6322 pour 1€ le message. Allez-y, les gars, c'est un cadeau de malade, quoi. Et là, on va dire bonjour à. Bah, tiens, on reste avec David qui est là. Salut, David. Salut, Mike. Salut, toute l'équipe. Hello. Ça va, frérot? Bah, écoute, ça va. Ça peut aller. Ah, oui, c'est toi que ta meuf est toujours énervée. Ouais. C'est quelque chose que on vit au quotidien. Alors, Enza, t'as changé d'avis? Non, j'ai. Non, mais en fait. Voilà, tu sais, je suis d'accord, c'est les filles, c'est chiant tout ça, mais en fait, tu vois, je fais un peu un point de rupture en fait. Sérieux. Ah merde. C'est dès le réveil, elle te prend la tête et tout. Ouais, en fait, ça fait 2 ans et demi, tu vois, que je suis avec elle et je suis commercial, donc je bouge beaucoup, mais tu vois, je fais vraiment tout, genre tout ce qui est mon possible pour toujours être à la maison, toujours rentrer, toujours, tu vois, être voilà le maximum avec elle. Sauf tu lui fais des petites attentions. Ouais, franchement, je fais le maximum, tu vois. Enfin, je pense. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai envie de savoir ce que c'est pour toi le maximum. Bah, tu vois, par exemple, au lieu de rester à l'hôtel quand c'est commercial, et ben, je me tape les bornes pour pouvoir rentrer. Ouais, non mais. Ah ouais, non, pas toute seule. C'est mignon. C'est pas parce que t'es hyper jaloux. Ah non, moi, je suis pas jaloux. Enfin, non, sincèrement, non. Non mais en même temps, c'est vrai que je suis d'accord avec toi parce qu'on n'est jamais assez jaloux, tu vois. Je veux dire, on est. C'est une preuve d'amour. Mais c'est vrai qu'avec vous, les filles, de toute façon, le matin, dès qu'on vous parle, c'est une agression. Moi, je suis pas d'accord, les gars. J'emmène au taf. Mais non, mais j'emmène au taf et tout, tu vois, le matin. Ouais. Et sincèrement, j'ai la gueule. Elle me fait la gueule tout le temps. Et dans la voiture, il n'y a pas un mot. Et est-ce que comme ta meuf, des fois, quand tu dois, je sais pas si tu dois la réveiller. Et moi, ma meuf, faut pas que je crie trop fort, parce que sinon c'est tu me réveilles violemment. Et si je crie pas assez fort, c'est mais tu m'as pas assez réveillé, tout ça. Non, mais on est d'accord. C'est quand j'arrive. C'est-à-dire si je fais du bruit quand j'arrive, genre tu vois, elle va ouvrir les yeux. Enfin, va même pas y avoir. Ça a été comment ta journée? Elle va tourner, tu vois, et elle va faire semblant de redormir, tu vois. Et là, je peux même pas l'embrasser parce qu'elle me pousse. Peut-être te poser des questions là. Ah mais en fait, toi aussi, de voir ta gueule. T'es genre un démineur, quoi. Il faut que tu fasses gaffe à rien faire. Mais tu le vis mal, du coup, j'imagine. Mais moi, je le vis super mal parce que je me dis, le problème, c'est que je l'aime vraiment. Mais que sincèrement, je me dis, on arrive à un point de rupture. Vraiment. Tu conseillerais quoi, Lorenza? Est-ce que t'es souvent de mauvaise humeur le matin, toi? Justement, moi, je suis pas d'accord avec vous, parce que moi, le matin, je suis de super bonne humeur. Donc ouais. Franchement, c'est pour ça que je suis étonnée. Moi, c'est tout de suite musique, ta ta ta ta ta ta. Donc, mais est-ce que tu lui as déjà demandé? Le matin, c'est elle qui rend de mauvaise humeur son mec, ouais, en fait, c'est ça. Ouais, Lorenza. En fait, c'est totalement ça. Mais franchement, est-ce que t'as déjà demandé à ta meuf? C'était, enfin, s'il y avait un petit souci, c'était quoi le problème et tout? Parce qu'il faut peut-être simplement lui demander gentiment. Hein. Bah, j'ai essayé. Après, forcément, tu vois, elle dit mais y a rien. Tu sais, c'est renfermé en fait. Faut ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans et demi. Ah, bah, peut-être qu'elle peut plus voir ta gueule. Ouais, hein. Je pense que c'est plutôt. Non, mais c'est peut-être comme ça. Vous êtes peut-être en fin de relation. Ouais, pas si triste à dire, hein. Mais c'est horrible, mais. Désolé, t'as pas le droit de dire. Tu t'attendais pas à te prendre ça dans la gueule. Mais je te le dis, c'est fini. Largue-la, poteau. Bon, c'est quoi? On a un petit sondage sur la mauvaise humeur des femmes. Ouais. Tu verras que tu n'es pas seule et que bah je. Bon. Voilà, que tu n'es pas seule. Je vais dire t'inquiète quelque chose, pas. Mais je vais me faire insulter. Ma petite Lorenza, on t'écoute. Une question qui a été posée aux Belges. Et donc en gros, bah, 87% des femmes prétendent être de mauvaise humeur le matin. Moi, je suis choquée quand même. Enfin, donc, 87%. Non, je pense, à part toi, Lorenza, 87%, les 13% restantes ne s'en rendent pas compte, je pense. Ouais, en fait, c'est peut-être ça. Pour qu'une femme soit en forme le matin, je pense qu'elle doit 334 actimel au matin. Et je pense qu'elle sera en forme. Pour 25% des femmes, la mauvaise humeur dure 4 heures après le réveil, le temps d'une relation sexuelle. Non, ça c'était ma vanne que t'as lue. Oh mince. C'est une relation sexuelle. Ouais, bon, très bien. Enchaînement, tout ça. Je suis vraiment désolée, j'ai foiré le truc. 11% des femmes déclarent avoir besoin d'une relation sexuelle pour faire passer la mauvaise humeur. Bah, ça c'est ouais, vrai. Ouais, seulement 11. Et même, vous faites jamais de sexe le matin? La gueule, tu fais comment? Bah, justement, est-ce que tu fais l'amour le matin? Un vieux coussin, la technique du coussin. Je plaisante évidemment. Pas la violer non plus quoi. 15%. Non, ouais. Éviter, non. C'est mal. 15% des femmes qui se disent de mauvaise humeur se mettent à ranger pour évacuer leur stress. Waouh. Ah, c'est très bien. Ranger les filles. Je suis totalement pour ce système. Quelle idée. C'est pourri. Révolutionnaire. Pas du tout c'est pourri. Je suis d'accord avec ces 15% de femmes. Et du coup, une femme qui se lève de mauvaise humeur le matin passera en moyenne 10 minutes de plus sous la douche. 4h10 quoi. Parce que globalement, les filles, vous n'avez pas la même notion du temps que nous. Ouais, ça c'est clair. Une fille, quand elle te dit j'arrive, c'est qu'elle est encore sous sa douche, etc. On est d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller avant de le lâcher? Moi, franchement, parle-lui encore une dernière fois, calmement, gentiment, et tu lui dis écoute, bébé, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je comprends pas. Moi, je fais la route pour toi, je fais tout pour toi, j'essaye que ça fonctionne. Et est-ce qu'il y a vraiment un problème avec moi ou c'est juste le matin? Ou tu vois, essayer de trouver des solutions en communiquant, c'est parce la base. Le reste de la journée, David, elle cool. Revient gentille ou toute la journée? Après, elle revient gentille ou tu vois, elle reçoit des messages, tu vois. Ah, bah fais, apporte-lui le petit déj. Ouais, ça c'est une bonne idée. Tu testeras demain matin, tu lui apportes le petit déjeuner et elle devrait être ravie. C'est romantique en plus. Ouais. Ça le fait? Et ensuite, ce que tu peux faire, tu mets plein de pétales de roses par terre. Ouais. Et tu fais un petit chemin comme ça, tu mets plein de pétales de roses qui vont du lit jusqu'à l'évier avec la vaisselle. Ah mais c'est romantique. Big up David. Salut, okay, merci David. Beaucoup. Gros bisous. Merci l'équipe. Salut Mike. Ciao. Ciao, ciao. So many things I see. And then I say to myself, it's never as it seems. Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. Cause you are the one, you rule your world. No Batman on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up. Live it up. Leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live it up. Live it up. Leave me alone. Let me... Bonsoir et tout le monde en direct sur Fun Radio. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Avec Lorenza, avec ouais. Coralie, que des filles autour de moi. T'as vu? Ouais, je suis bien, je suis l'homme le plus chanceux de Belgique, les amis. Vous pouvez m'appeler, le numéro 02851 4x0. Venez participer à cette émission, les amis, venez vous exprimer. Totale tolérance, totale liberté d'expression le soir sur Fun Radio jusqu'à 23h. On sélectionnera quelqu'un, on va jouer tout à l'heure. Ouais. Alors, après le camping ou pas camping, je vous ai préparé un petit jeu sur... sur les films pornouches. Ah, je vous ai mis des noms de films porno, de films pour adultes, et vous me direz si ça existe ou pas. Ok, okay. C'est bien. À tester. Vous avez l'air à fond dans le jeu en tout cas. Ah ouais, j'adore. Ça m'arrive. C'est parti. On va parler de Selena Gomez dans quelques instants avec, ouais, avec toi aussi, Lorenza. On va s'écouter Big Flo Oli côté son. Avec Petit Biscuit. Ça s'appelle Demain. On l'écoute dans un instant en entier. Et donc, comme promis, Lorenza, tu nous parles de Selena Gomez, c'est ça? Ouais, bah en fait, elle est un peu tristounette. Oh. Ah, je sais. C'est encore le Justin. Voilà. C'était sûr. Exactement. Alors, ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils se séparent, ils se remettent ensemble, ouais, ils se séparent, ils se remettent ensemble. On n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Bah, en gros, je sais pas si tu savais que Justin, il avait une chérie qui s'est fiancée, c'est une mannequin, c'est Ellie Baldwin. Tu vois qui c'est? Mm-hmm. C'est les canons en plus. Et en gros, ils viennent d'annoncer qu'ils ont acheté un énorme manoir. Et en gros, ils vont s'installer à la campagne, en amoureux à deux, en dehors d'Hollywood. Et le problème, c'est que c'était le rêve de Selena Gomez, en fait. Ah là là. Quand elle était avec lui. C'était son rêve avec lui. Et il est-ce qu'il l'a pas fait volontairement et tout? Moi, je me demande. Pour la rendre jalouse en définitive. Et donc, bah, elle a un peu le... Déjà que c'est dur de les voir fiancés et roucouler du bonheur devant sa gueule. Et là, elle apprend qu'en plus, la meuf et le mec, ils se barrent et ils prennent le rêve de Selena, quoi. Tu réagis comment, bah, Coralie, toi? Bah, moi, je réagirais vraiment hyper mal, mais après, je suis pas d'accord parce que c'est de sa faute à elle. Hein. C'est elle qui l'a quitté. Oui, mais bon, c'est jamais pas vraiment si c'est passé entre les deux. Non, attends, elle voulait pas avoir des soucis avec sa famille. Bah, jamais tu veux pas avoir de soucis avec ta famille, tu quittes ton couple. Eh ben voilà, ça se passe comme ça, il se met avec quelqu'un d'autre, c'est comme ça. On sent qu'elle prend les choses à cœur quand même. Hein. C'est ton frère ou c'est injuste pour le pauvre Justin Bieber, je suis désolée, il n'a rien à se reprocher. Merci ma petite Lorenza, tout est dit. Tout est dit. Toutes les news people d'ailleurs de Lorenza, vous pouvez les retrouver sur le funradio.be. Dans quelques instants, tiens, Lorenza, on va te mettre à contribution. Tu vas foutre le bordel dans un couple. Oui, oui, oui, j'espère que ça va aller. Vous voulez que Lorenza teste la fidélité de votre mec? 02 851 4x0. On se fait ça après Big Flo Oli sur Fun Radio. Bonne soirée à tout le monde. 21h45 en direct. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes... Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête, mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. M'a dit, t'es comme les autres en fait, tu m'apportes que des... des problèmes, allez sors de ma vie. De toute façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux, on croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'attends un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie, celui qui fait It was all a dream. Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, rien, rien. Bonsoir la famille, merci d'être branché chaque soir sur Fun Radio. On est là depuis hier, on s'est trouvé et on ne vous lâchera pas. Ça c'est sûr. Jamais. Jamais. Tant que les patrons nous permettront d'être là en tout cas. C'est ça. 21h49, on est en direct les amis sur Fun Radio dans quelques instants. On va débuter la partie libre antenne là, vous savez, entre 22h et 23h on est en mode total... Liberté. On est sans contrôle. Total libertad, exactement. Vous pouvez nous appeler au 02-851-4x0. On va se faire un jeu sur les films porno. Ok. Je vends ça bien, non? Ouais, tu vends magnifiquement bien. Et on va vous offrir surtout votre sélection pour peut-être aller une avec semaine. Non pas la personne de votre choix, mais les trois personnes de votre choix. En une semaine, vacances. Quoi. Une semaine au soleil, dans l'un des campings étoilés de votre choix, donc avec vacances soleil. Et plus une petite journée en bateau, sur un bateau luxueux et tout, super sympa, quoi. Ça se gagne dans quelques instants, enfin, on sélectionne quelqu'un dans quelques instants et le grand tirage au sort, c'est Samy et Chloé, ce vendredi entre 16 et 19 en fin d'après-midi. Il vous suffit d'envoyer fun au 6322 pour 1€ le message. J'ai envoyé. Ça marchera pas, hein. David Guetta, Showtech, Your Love, c'est dans quelques instants sur Fun Radio. Et là, on va récupérer Julie qui est avec nous. Salut Julie. Bonjour. Hello Julie. Bonsoir. Bonjour. Julie, comment ça va? Ben ça va, ça va. Enfin, j'ai un peu besoin de vous. Mais... Ouais, t'es un peu stressée. Tu as besoin de nous. Tu es à Bruxelles, tu t'appelles de Uccle, c'est ça? C'est ça, tout à fait. T'as passé une bonne journée? Ouais. Ouais. On la sent stressée là. Une journée à surveiller encore les SMS de ton mec Anthony. Bah, un peu compliqué. Il est, ça fait quand même 4 ans qu'on est ensemble. Et il y a 11 mois, il m'a demandé en mariage, quand même. Ouais. Donc, voilà. Et là, ça va faire quoi? 3-4 mois qu'il est un peu, on va dire, assez distant. Il rentre un peu plus tard. Il a changé d'avis. Ça pue, ça. Bah, je sais pas, mais je vois qu'il est quand même un peu chelou aussi avec son téléphone. Donc, j'avoue que je sais pas. C'est quoi, genre, il te laisse pas regarder les messages qu'il écrit? Quand il reçoit un message, il l'ouvre pas devant toi? Ben, je m'approche un peu trop près de son téléphone, il va vite passer pour vite le reprendre, et, alors qu'il ne faisait pas spécialement ça avant. Donc voilà, c'est quand même un peu bizarre. Après, j'ai pas envie de dire que j'ai des doutes, parce que je crois que je peux lui faire confiance, mais voilà, ça, c'est plus, j'ai envie de me rassurer, quoi. Bah, ça me paraît chelou quand même tout ça, Julie. On va t'aider, on va vérifier que ton mec est bien fiable dans quelques instants, c'est Lorenza qui va s'en charger, ok? Ok, parfait. Ça va être bien, t'inquiète pas. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Salut tout le monde, c'est Samy. Et Chloé. Cette saison, on se retrouve tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 19h, en direct. Wouh! Merci Chloé. 16h-19h, c'est Samy et Chloé sur Fun Radio. Samy et Chloé.

Que du gros son, que des conneries le soir sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi tout le monde. On est là en direct avec Lorenza, avec Coralie. Dans quelques instants, on va récupérer Julie pour le test de fidélité là, qui veut tester son mec Anthony. On va la récupérer, Julie. Ouais, ça sent pas très bon. Ouais. Lorenza, tu vas essayer de foutre le bordel dans tout ça. Et puis, on va parler de ce que vous voulez. Vous pouvez nous appeler. Numéro Lorenza, s'il te plaît. 02 851 4x0. On sait ça après un peu de son dance floor sur Fun Radio. Bonne soirée à tout le monde. I get a bit impatient, too much information. I'm trying so hard not to give a fuck. Bleeding out on the living room rug, but I'd pay a million bucks to think about anybody else but you. Drink about anybody else but you. Talk about anybody else but you. You can't stop picturing my lips on you. Get out in my front yard, we do. I bet beggars can't be choosers. Telling you the truth, you make it so damn hard to just not give a fuck. Bleeding out on the living room rug, but I'd pay a million bucks to think about anybody. Et merci d'avoir choisi Fun Radio. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Yes, on est là, comme tous les soirs, avec Lorenza, Coralie qui vous répond 02 851 4x0. Tous les SMS, on les reçoit 30 44. Vous pouvez vous sélectionner aussi pour peut-être repartir avec une semaine de rêve pour 4 personnes. Ouais. Dans le sud de la France. Ouais, dans un camping étoilé de votre choix. C'est Fun Radio qui régale, on paye tout, les amis, le transport, l'hôtel. Ouais. Ça se gagne pour vous et les 3 personnes de votre choix en envoyant quoi, ma petite Lorenza? Fun 6322 pour 1€ par message. On va jouer dans quelques instants un petit jeu pour vous sélectionner. Et le tirage au sort, c'est vendredi chez Samy et Collet. Gros big up. Ariana Grande arrive dans quelques instants. On sera Maître Gims tout à l'heure aussi. Jack Jones de Calais, Dimitri Vegas, Lake Mike aussi. Du Liam Payne. On fera ça avant la fin de l'émission sur Fun Radio. Si y a un son que vous voulez vous écouter aussi, vous pouvez nous en faire la demande là au 02 851 4x0. On est là pour ça. On va récupérer qui? Megan qui est là? Ouais. Salut Mégane. Allô, oui. Oui, bonsoir Mégane, bienvenue dans l'émission, ça va bien? Merci, oui ça va, enfin ça va un pas peu l'air. Stressé, fatigué, mais ça va. T'as 27 ans, tu es tubise, c'est ça, tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur routier. Allez. Ah, c'est pas courant ça. Ouais. Ouais, c'est un métier original pour une femme. C'est cool. Mais c'est un métier d'homme, quoi. Comme on dit, des métiers d'homme, ça doit être vachement. Il doit y avoir beaucoup de sexisme, de macho dans ton milieu. Tout à fait. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. il y a énormément de sexisme et je suis entourée de machos, de collègues qui pensent qu'ils peuvent me pécho comme ils veulent. C'est horrible. C'est bizarre. Pourtant, ouais, moi, toutes les femmes chauffeurs routiers que j'ai vues, j'avais tous sauf envie de leur sauter dessus. Mais peut-être que c'est différent peut-être une pour exception, toi. Elle est peut-être canon, tu vois. Ouais. Et t'es en couple, Mégane, toi? Je suis en train d'aggraver mon cas là. Oui, on est premier sur les routiers le soir, il faut le savoir. Et quoi, il se comporte mal sur la route aussi quand il voit que c'est toi qui conduis, ou ça se passe comment? Ah bah justement, tout à l'heure il m'est arrivé un truc pas mal, ça m'a vraiment mis en colère, mais je suis quasi blasée avec tout ça. C'est juste quand on a tendance à se croiser sur la route. Et ils se mettent à vraiment mal conduire devant moi, à me mettre en danger. C'est ce qui est arrivé tout à l'heure. J'ai failli faire un accident sur le ring. À quoi, ils te font des queues de poisson, des trucs comme ça? Ouais, j'ai des queues de poisson. Enfin, apparemment, je me dis, mais comment c'est possible, quoi? C'est des adultes, ce sont des pères de famille, mais ils arrivent encore à agir comme ça, comme des enfants. Ouais, c'est amusant. Franchement, une mentalité là. Ouais, faites attention, les alors, gars. Pour rappel, ça me fait mal au cœur de le rappeler, mais ouais. Statistiquement, les femmes, vous avez moins d'accidents que nous, les hommes. Que les hommes, ouais. Tout à fait. Voilà. Contente. Non, mais c'est limite un taf dangereux, du coup. Hein. T'as déjà eu vraiment des accidents ou ça va? C'est que des alertes sans conséquences. Non. Tant mieux. On touche du bois pour toi, ma chérie. Est-ce que vous avez déjà fait des tafs dangereux? Dites-nous sur l'SMS au 3044, sur le Facebook Mike sur Fun Radio, Lorenza. Ouais. D'ailleurs, je fais un gros big up au McDo de Waterloo. Parce qu'on dit toujours, ouais, McDo c'est pas dangereux, mais si les gars c'est dangereux. T'as bossé au McDo? Ouais, j'ai bossé au McDo et y a une friteuse qui a pris feu. Ah, en plein service, tu vois. La taille de la friteuse. Du coup, on a eu trop les boules. On a sorti une couette couverture là, tu vois, pour éteindre le feu. Sauf que la pris feu aussi. J'imagine Lorenza. Ah ouais, moi j'étais là. Mais les gars, merde. De service. Et finalement, tout est bien qui finit bien, tout s'est arrangé. Mais comme quoi, tu vois, même les tafs les moins. Ouais, après tout taf, tu peux pas avoir des accidents partout, c'est sûr. Moi, j'ai fait l'armée en niveau taf dangereux. Allez. Ah ouais. Ouais. Précision, j'ai fait 3 heures dans l'armée. Non, je suis arrivé en fait, j'ai fait « je veux être para ». Ils m'ont dit « ouais, paraplégique, mais pas plus ». Donc voilà, ça s'arrête là. Tiens, puisqu'on parle de métiers à risque, de métiers qui mettent en péril votre sécurité personnelle, on a pour vous avec Lorenza le top 10 des métiers les plus dangereux au monde. Ouais, est-ce que tu veux qu'on te le donne? C'est un peu incroyable. Ma petite Mégane. Bon, on y va. Ouais. C'est une étude très sérieuse qui a été faite sur la base des accidents de travail déclarés. Donc c'est un truc vraiment fiable. On t'écoute, Lorenza. En 10e position, on a les vendeurs. Alors ça, je comprends pas trop, mais voilà. Je confirme. Vendeur de chaussures qui dit à une dame, désolé, on n'a pas votre pointure. Elle te tape. Je confirme. Il y a charpentier aussi, mais ça c'est vrai, hein, parce que niveau, tu vois, tu peux te couper les doigts, j'en sais rien. Policier, évidemment. Mm-hmm. Pêcheur. Si tu t'enfonces l'hameçon où il faut pas, je sais pas. Non, mais je confirme, pêcheur, c'est dangereux. Ouais. À tout moment, tu peux mourir d'emmerdement. Comment? Tu t'emmerdes, quoi. Ok. T'as oublié les pompiers, ma petite Lorenza. Ah oui, les pompiers aussi, évidemment. Les fermiers. Non, mais les pompiers, c'est quand ils sonnent pour vendre leur calendrier, on se doit de leur péter la gueule. Non, mais sinon, c'est les pompiers, on est d'accord, ça reste globalement des mecs qui se trimballent en uniforme juste pour pécho de la meuf. À fond. Il y a les chauffeurs routiers aussi. Ah, ben tu vois, t'es dedans, le classement. Ouais, numéro 4. Ouais. Il y a les ouvriers sur un chantier. Ouais, ça, ouais. Logique. Pilote d'avion, logique aussi. Hein, ouais, quand t'es bourré, effectivement, c'est pas évident. Ouais. Et alors, le number one, le métier. J'étais pas prêt. Le métier le plus dangereux du monde, c'est bûcheron. Ouais, bûcheron. C'est d'être pour les chemises, peut-être. Ouais, fashion faux pas, tu vois. Bon, bah, en tout cas, on te fait des gros bisous. T'es dans ton camion là, ma petite Mégane? Non, je suis en train de cuisiner, donc ça, je suis un peu distrait, j'ai hyper faim. D'accord. Pas de soucis. Mais bon, on a pas l'ordre. Et bah, va te rassasier la ponce, qu'est-ce que tu vas manger? Je sais pas, tu vois, pas faire, je crois, c'est du poulet. Bon appétit, bien sûr. Des gros bisous, ma chérie. Gros bisous. À bientôt, Mégane. Et tu nous écoutes à fond dans ton camion, ok? Et t'emmerdes ceux qui sont machos. Ouais, c'est ça. On les emmerde. 22h07 sur Fun Radio. Bonne soirée, tout le monde. On va jouer ensemble. Julie, pour le test de fidélité, on t'oublie pas. Ne bouge pas, ma chérie. Et Ariana Grande, côté son dance floor. On s'écoute un titre que je ne prononcerai pas. Vous avez constaté mon accent anglais tout à l'heure. I'm loving, I'm living, I'm picking it up. Yeah, we turning it up. don't got no tears in my body. I ran out, but boy, I like it. I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop, can't stop, so shut your mouth. The colors in you, I see them too. And boy, I like them, I like them, I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop, can't stop, so shut your mouth. Et on est là. Merci d'écouter Fun Radio, bonne soirée. Rejoins le mouvement. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. C'est moi-même avec Lorenza qui m'accompagne, ouais. Ma complice de vos soirées. On est là tous les soirs, du lundi au jeudi, les amis, de 20h à 23h. Et le dimanche, horaire un petit peu modifié, un petit peu plus tard, pour terminer le week-end ensemble. Le dimanche, c'est 21h minuit. Ouais. Donc voilà, les amis. Dans quelques instants, on va retrouver Mamie Simone tout à l'heure. Encore ? On va utiliser les contrôles de la radio. Radio Simone, c'est tout à l'heure sur Fun Radio, restez bien là. On va se faire aussi un défoul room. Alors, le concept du défoul room, on l'a mal fait hier, donc on va bien le faire ce soir. Ouais. Vous avez un coup de gueule, quelque chose, une connerie, tu vois, n'importe quoi, contre ta meuf, contre ton patron, contre. Je sais pas, les banques, n'importe. Quelqu'un qui vous a recalé dans un entretien d'embauche. Ouais. Vous voulez l'afficher en direct sur Fun Radio. Vous venez, vous nous racontez tout ça et vous aurez ensuite 30 secondes pour. Vous défouler. Vous défouler, insulter la personne, sans donner l'identité. Oui, comme oui, ça, on n'a pas de problème. Péter un câble, crier, sauter, je sais pas, n'importe. On essaiera de faire le jeu du mon cul aussi tout à l'heure, ma petite Coralie. Ouais, on va essayer de faire ça. On appelle un hôtel, vous lui faites dire qui. En 30 secondes, vous êtes face à Lorenza ou à moi ou à Coralie. Et vous placez le mon cul derrière. C'est un jeu très développé. Enfin, brainstorming et tout. Ouais, ouais, c'était hyper poussé. Il y a Maître Games qui arrive. Dis-moi pourquoi tu fuis, toi, qu'est-ce que je suis, Nicolas. Et Ninos est avec nous. C'est Ninos ? C'est quoi ton prénom ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Hello. C'est Ninos. Salut Ninos. Oui, c'est bien ça. C'est Ninos, ça. Ouais, c'est bien ça. Bah, bienvenue dans l'émission. 28 ans, tu m'appelles de quel endroit à toi ? De Greenbergen. Très bien. Et tu fais quoi dans la vie ? Comptable. Ok. Bah, très bien, sois pas déprimé. Oui. Hein, c'est... Il en faut, c'est important. Ma chérie, on va jouer ensemble au jeu du pornouche. J'ai pour toi une liste de films pornographiques. Certains existent, d'autres se viennent directement de ma cervelle. À toi de me dire si je les ai inventés ou si ce sont de vrais films, d'accord ? Ok, pas de soucis. On y va, tu m'as dit porno ou mytho, tout simplement ? Ça va. Et on joue, évidemment, Lorenza, on peut le rappeler, pour une semaine, pour une sélection. Ouais, pour peut-être une être rappelé vendredi chez Samy et Chloé pour gagner. Une semaine au soleil pour 4 personnes dans un camping étoilé de votre choix avec vacances soleil. Et une journée à bord d'un bateau luxueux avec Céleste Thibault, donc truc de ouf. Attention, concentre-toi. Le jeu en vaut la chandelle, ma chérie. Et vous essayez de trouver chez vous à la maison. Ninos, 20 000 vieux sous mes mères. Mytho. Non, c'est vrai. C'est pas vrai. Ça existe. Je suis donc obligé d'ouvrir la poubelle. Ouais. Ah oui, c'est parce que je l'ai pas dit. Si j'ai à tout toutes les mauvaises réponses, j'ouvre la poubelle Fun Radio. On a ici une poubelle à Fun Radio dans laquelle on met tous les sons qu'on n'aime plus. Donc je suis obligé de l'ouvrir. Et tu as donné une mauvaise réponse. Qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête à cause de toi, Ninos? Oh non, merde! Fans oublient leur complexe façon sexe. Oh yeah! Allez voir Lorenza et Coralie sur la Funvision en train de s'embrasser. C'est quoi, c'est les tragédies ça? Tribal King! Tribal King, ouais. Voilà. Astérix et Obélix se font Cléopâtre. Vrai? C'est vrai, oui. Ouais. Lorenza et les sept mains. Mytho. C'est mytho. Des chiffres et des lettres. Mytho. Non, c'est un vrai film, évidemment. Sérieux? Ouais, tout le monde l'a vu, des chiffres et des lettres. Oui, bien sûr. Dire, un matin pour ce qu'on a vu. Un classique du cinéma. Et, j'ouvre donc la poubelle NR Fun Radio. J'ai failli le dire, t'as vu, j'ai failli le dire. J'ai pas dit, j'ai pas dit. C'est parfait pour les vacances. Ça, ça a bien sa place dans la poubelle. Ouais. On va, on va... J'ai bien choisi le titre. Hein. Mais tu sais, c'est des sons qu'on sort comme ça de la poubelle. Hein. J'en sors un au hasard. C'est pas ce qui se passe. Même pas. Allez, on continue, ma chérie. Des pétasses au pays des tapas. Vrai film ou faux film? Mytho. Je suis désolé, c'est un vrai film. Mais putain, mais c'est quoi ce film? J'ouvre la poubelle. Ne crois pas que je prends un malin plaisir à ouvrir la poubelle, hein. Nous, on kiffe quand même, tu sais. Alors, attention. L'Amérique, je veux le voir et je le verrai. Allez, on en fait un petit dernier pour valider ton cadeau. Harry Potter. Vrai? C'est vrai, c'est une bonne réponse. Et donc, du coup, on compte même pas le bon nombre de bonnes réponses. Putain, on s'en fout. C'est la rentrée, ça va, on est détendu. Cadeau pour toi. Youhou. Ma petite nonne Ninos, on va t'envoyer déjà ce qui peut te faire plaisir, un petit pack fun. Et surtout, on te gère ta sélection. Donc, vendredi, entre 16 et 19, tu écoutes bien Fun Radio et surtout, tu ne quittes pas ton téléphone, d'accord? Et décroche en numéro privé surtout. Hein. Ouais, il y aura pas d'excuses, hein, ma chérie. T'es prévenu. 16h, 19h, tu check le tirage au sort de Samy et Chloé, d'accord? Et peut-être que si on te rappelle, tu repartiras et tu iras surtout en vacances avec trois de tes proches. T'as une idée de qui, avec qui tu veux partager ça? Mon épouse et deux amis. Bah, okay. C'est cool. Et bah, écoute, Nino s'embrasse madame pour nous, d'accord? Ça va, ok, pas de soucis. Salut Ninos. Salut Ninos. Salut. Quand tu veux dans l'émission. Bonne soirée tout le monde. Ça dans va, quelques instants. Merci. On va se faire le test de fidélité là avec, avec Julie. Et puis côté son dance floor, on se fait plaisir ce soir. Si y a un son que vous voulez vous écouter d'ailleurs, vous voulez vous ambiancer, vous voulez dédicacer un son, vous envoyez un petit message privé Mike sur Fun Radio, c'est la page Facebook. Quand la sonne. Quand la sonne. Just Weezy F, the F is for French. My heart in this shit, I'm balling my fist, counting every call that I miss. And then I look up at the stars and they all made a wish. I'm falling forever, that just means I'm sent from heaven. Land on a broken heart, put it back together. My act together, your man heart black as leather. Me and you could get together, make nasty weather. Her name was Marie, I met her in Paris. She a thief cause she stole my. She loved to hear it beat. I love her from my head to her feet. She my sweet, sweet. Warm-hearted, hot French missus, French kissing, and she got that French dip. I'm French dipping. Tell your boyfriend, listen, I am what you've been missing. Don't you got your quarters on skipping? Corazón, au revoir. Dis-moi pourquoi tu fuis, tout près qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait, mi corazón. Dis-moi où est-ce que tu vas, non non ne t'en vas pas, mi corazón. Corazón. Corazón. Corazón. Fresh baby, comment allez-vous? Bon. like a freestyle top off the roof. I'm a noob, you know the yacht like a cruise ship. Beats what Rory diamonds freezing on my dudes and lion face. I'm talking about a 100 links, tattoos, big beers, Osama King. Hey, a brother like peers, multi-millionaires for 20 years. Move it up, 24K gold solid, through my city flow, did it up. Fresh vanilla on a rock, on a rock. I'm making melon do the bop. Bottom of the pot, all the top and the bottom, from the bottom to the top. Yeah. And then you know what I'm on, grind all night, count money in the morning. Là comme une maladie, et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie, et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Et tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie, et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie, et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazón, dis-moi pourquoi tu fuis, tout de qu'est-ce que je suis, mi corazón. Dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait. Où est-ce que tu vas? Non, non, ne t'en vas pas, mi corazón. Corazón. Corazón. Ramenez-vous la famille, tous les soirs on est là sur Fun Radio. À Charleroi, à Liège, à Namur, Bruxelles, tournée. Waterloo, Brenne-le. Bon, dès qu'il y a une ville à sortir, tu places Brenne-le. Ah ouais, je fais des big ups ce soir. Brenne-le représente. RPZ, ouais. Non mais ferme ta gueule s'il te plaît. Tous les soirs dès 20h, Mike retourne à Belgique. Je m'en bats les couilles sur Fun Radio. Allez, on est là en direct sur Fun Radio. On va se faire la voyance tout à l'heure, comme chaque soir, la voyance en direct avec Alexandre Dolovan, notre voyant, qui est avec nous là. Il est là. Ça va mon Alex? Hello. Ça va bien, merci. Bon, par téléphone ce soir Alex, qui... voilà, qui va comme d'habitude répondre à toutes les questions que vous vous posez, questions sur votre avenir professionnel, sentimental, ouais, financier, n'importe quelle question. Alex qui est avec son jeu de cartes, tu utilises aussi les vibrations dans la voix, le pendule. C'est ça, Alex? Oui, exactement, et aussi avec les couleurs. Ah. Avec les couleurs aussi. Quoi, t'as une couleur qui te vient quand t'entends la voix de la personne? Je demande une couleur, de me donner une couleur, et à partir de là, j'ai une interprétation Très bien. Bah écoutez, vous pouvez nous appeler maintenant, vous inscrivez pour la voyance au 3044 par SMS. Sur le Facebook, Mike sur Fun Radio, si vous êtes un peu timide, vous pouvez nous appeler au numéro 02, que Coralie va vous rappeler. Au 02 851 4x0. Ne bouge pas, Alex, on va récupérer des auditeurs pour toi, ok? Juste après Jack Jones sur Fun Radio. Bonne soirée à tout le monde, en direct. Chaque soir ici avec Lorenza, avec Coralie, moi c'est Mike. On est là pour vous servir. If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. Ring, ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, are you there? You there? You there? Ring, ring. With another, if you make it out alive. ring ring. Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, you there? You there? Are you out somewhere with your baby? Hello, you there? Real talk, you got me going crazy. Hello, hello. Are you there? You there? You there? Ring ring. I'ma take the purple pickle, purple pickle. Pulling up, drop top, two seats. Skit, skit. We in Vegas. Ooh, I made it. Ooh, I made she it. Wanna take a picture with me cause I'm famous. Cause I'm famous. Count the money up, I know they hate it. I know they hate it. It was on one night, we never dated. Ooh. Made back in the back and we faded. And we faded. Stacking out the paper, we got paid. We got paid. And I'm straight. Straight. They gon' hate. They gon' hate. Hello, I'm pulling up right at 8. Ring, ring. Bonne soirée sur Fun. Rejoins le mouvement. Follow us, Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Avec Lorenza, avec Coralie, 02851 4x0. SMS 3044, le Facebook, ma petite Lorenza. Mike sur Fun Radio. Tout à l'heure, Mamie Simone prendra le contrôle de cette radio. Ce sera Radio Simone sur Fun. Si vous voulez jouer, vous pouvez appeler maintenant le standard. Il y a du cadeau évidemment à pécho. Dès 23h, ce sera l'ami Davy qui sera là, le poteau. Pour tout est possible avec toute sa team d'influenceurs. Ouais. Et comme d'habitude, comme depuis hier, ils vont réaliser vos rêves. Ouais, et ça marche plutôt bien, donc allez-y. Ça parle de saut en parachute ce soir. Ouais, donc si vous avez toujours rêvé de sauter en parachute, n'hésitez pas. Restez bien là. Ouais. On va récupérer, dans quelques instants, on va s'écouter Sigala. Côté son dance floor sur Fun Radio. Et puis là, on va récupérer Julie. Julie, toujours là ? Salut. Salut. Re ma chérie. Bon, tu es toujours là, tu habites toujours à Bruxelles, du côté de Uccle. Et tu es toujours bonjour en couple avec Anthony depuis 4 ans. Voilà, exactement. Tu t'as demandé en mariage il y a presque un an. Et tout forcément, t'as toujours pas la bague au doigt. Donc toi, tu t'impatientes et surtout, tu te poses des questions. Bah oui, j'avoue que son comportement est un peu space, donc j'aimerais bien savoir, être sûr quoi. Mais Julie, ça se peut, il te réserve une énorme surprise, t'es pas du tout au courant, tu ah, vois. Ah, mais c'est chelou. Ouais, moi je suis dans le monde des bisounours. Le gars, il prend ses distances avec toi, etc. Et niveau sexe, c'est toujours. C'est toujours ok. C'est cool ou pas? Ça va. Ouh, ça va. Il a moins envie. Oui, quand même, ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est un peu moins dans sa tête, quoi. Ah ouais, c'est suspect. Ouf, sachant que le gars veut se marier avec toi. Ça pue. On va appeler. Après, c'est peut-être le stress du mariage, hein, j'en sais rien. Mais... Julie, le mieux, plutôt que de parler, c'est de sauter tous les doutes, puisqu'on va appeler maintenant. Lorenza va foutre le bordel dans ton couple. Elle va tenter, en tout cas. Ma petite Lorenza, on t'appelle Anthony et t'essayes de le faire craquer. Ça vérifie qu'il est bien solide pour le mariage. Ouais. On y pas. Va. Coralie compose le numéro. Puis si vous aussi, vous voulez faire un Lorenza full bordel, c'est pour ça qu'on a appelé cette séquence. Vous pouvez vous inscrire par mail. mikado@funradio.be ou sur le Facebook. Ça sonne. Julie, écoute bien. Allô ? Allô, Anthony ? Ouais, c'est bien moi, c'est qui ? Ouais, mais en fait, c'est un peu bizarre, je t'appelle, ça va te paraître bizarre, hein, mais voilà, je me présente, je suis Lorenza. On ne s'est jamais parlé, mais tu étais au Stamp la semaine passée. Ouais. C'est bien ça avec ton pote. Ouais, bien ça, Kylian. Oui, avec Kylian, mais voilà. Et en fait, je connais Kylian et il m'a passé ton numéro parce que. Ah bon, mais ok. Et donc d'habitude, je fais jamais ça. Je drague jamais comme ça direct un mec. Enfin, je suis un peu gênée à ce niveau-là. Mais là, nos regards se sont croisés et ouais, j'ai senti un feeling et j'ai. Après voilà, je suis en couple. Ah. Pour le moment, en tout cas. Ah, pour le moment, donc ça peut changer. Ouais, enfin, ce qui se passe, c'est que c'est un peu c'est tendu, quoi. Enfin, je suis plus. Je me sens plus. Enfin, tu vois, je suis pas à l'aise dans mon couple pour le moment, quoi. Ah, bon. Et du coup, peut-être qu'il y aurait peut-être moyen qu'on aille se boire un verre ou que je sais pas, qu'on fasse un petit truc pour se rencontrer ou même, bon, ça va être un peu fou, ça me fait bizarre de dire ça comme ça, mais si tu veux passer chez moi. Bah, tout est négociable. Enfin, moi, après, faut que je réfléchisse, mais c'est pas un nom, quoi. Ah, c'est plutôt sympa, ça. Et donc, si je te propose de faire ça, genre, ce week-end, ou je sais pas si t'es libre. Ouais, faut voir. Non, mais je pourrais me libérer pour ça. Faudrait peut-être que j'essaye de me libérer, parce que ça vaut peut-être la peine. Franchement, je suis ravie, quoi. Je suis ravie, mais par contre, j'ai quelqu'un qui aimerait te parler, là, qui aimerait te parler. J'ai une pote à moi qui aimerait bien te parler, donc je vais te la passer, ça va? Ça va, ça va. Je te la passe. T'es pas sérieux? Je reconnais cette voix. Julie. Je te reconnais, hein. Oui. Juste pour t'expliquer un petit peu le concept. Tu es en direct sur Fun Radio, là, et tu te rends compte que tu viens de juste m'humilier devant tout le monde? Ouais. Ah, tu viens surtout passer pour un crevard. tu l'as fait. Non, c'est chaud. Je sais comment ça va se passer. Dans une heure, tes valises, elles sont devant chez moi. Alors qu'il y a quelqu'un qui les prend, un chien pisse dessus, j'en ai strictement rien à foutre. Tu ne rentres plus chez moi. T'es en couple pour le moment. Pour le moment. Ouais, bah, en fait, il y a une date d'expiration à notre mariage. C'est ça? Ouais, exactement. Écoute, hein, moi, ça fait quelques temps. Moi, je trouve que ça va plus. Écoute, donc, faut bien profiter, quoi. Et en parler, non, tu préfères laisser ton pote qui lui donne ton numéro à n'importe qui et toi, tu sautes sur la première pouf du stam venu. T'es sérieux? Tu te fais tout petit. Mais tu sais pas quoi dire, tu te fais juste tout petit. Autant que ce qui te sert d'engin, en fait, maintenant qu'on est honnête. Hein. Comme ça, toute la Belgique est au courant aussi. Bon, tu sais quoi, vas-y. Raccroche le mec, Anthony, là, Coralie, ouais. Ma petite Julie, ma chérie, eh ben, au moins tu sais quoi, t'es fixée, tu vas pas te marier avec un connard. Ouais, franchement, Julie, ça nous fait mal, mais au moins t'es fixée, quoi. C'est... Non, mais juste, vous savez quoi, ça bague là, hein, juste parce que manifestement elle vaut rien du tout. Non, deuxième main, point BE, les gars. Non, ne jette pas ça. Bon, Julie, non, mais je peux. C'est pas clair, elle a rejoint, c'est qu'une merde en tout. Franchement, oh putain. Ma petite Julie, ne raccroche pas, ma chérie, on va te reprendre en antenne, d'accord? Okay. Et puis, déstresse-toi, voilà, dis-toi que c'est un mal pour un bien. Vaut mieux la prendre maintenant qu'au bout de 10 ans de mariage, ma chérie. C'est sûr. Ok, ouais. Je te fais des gros bisous, Julie. Merci beaucoup. Et bravo à Lorenza d'avoir foutu le bordel. If there's life in the east, that's where I will go. Born in the streets, I know where I'm from. If you're asking for me, you already know. Turn up. Where the vibes are on my home. The air that I breathe, it's the same everywhere. So where's the party? We on the street. Cause I'm gonna be there. The air that we breathe, the same everywhere. sure, cause I let you know. I'm good everywhere I go. Bonne soirée sur Fun Radio. Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. Différent de tout ce qui se passe ailleurs à la même heure, sur la bande FM, on est là avec Lorenza, avec ma petite Coralie qui est active au standard. Ouais, elle est au taquet. Ah, il y en a une qui bosse au moins. Bah, je réponds à toutes les personnes qui veulent faire la voyance. Oui, puisque bah, c'est maintenant la voyance, vous pouvez vous inscrire les amis. Tous les soirs, on fait une petite session voyance dans l'émission 5-10 minutes avec Alex Delovan qui est avec nous. Re-Alex. Je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Alex des coachs de vie, c'est ce que vous tapez sur Facebook, Alex des coachs de vie, pour prendre rendez-vous avec toi. Tu fais des rendez-vous par téléphone aussi, Alex, hein? Exactement, oui. Ou par Skype. Ah. Et puis il est partout, Alex. Il est en déplacement constant, donc vous pouvez le choper tout près de chez vous. Et le joindre facilement, parce qu'au téléphone et par Skype, il n'y a pas beaucoup de voyants qui peuvent faire ça. Vous pouvez y aller, Alex, des coachs de vie. Et si vous voulez, Alex répond à votre question ce soir. 02 851 4x0, vous pouvez envoyer voyance au 3044 si vous êtes un peu timide, ou poser votre question carrément par SMS sur le Facebook Mike sur Fun Radio. On accueille Pauline. Tu fais du bruit, Pauline, hein? Ça va pas être évident, mais bon. Bienvenue, Pauline, 25 ans. Pauline. Tu es où en Belgique? Oui. En fait, Herceline, à côté de Thouin. Ah, oui, c'est ça. D'accord, okay. Très bien. Bah, bienvenue dans l'émission, Pauline. Tu avais une question à poser. Ça concerne quoi? Ton avenir professionnel, sentimental? Non, mon avenir sentimental, tiens. Très bien. Alors, Alex? Pauline, quelle est ta date de naissance? Le 24 du 5 en 93. Ok. Pour moi, tu es dans une phase de reconstruction sur le plan sentimental. Il y a quelque chose de positif qui va s'annoncer dans un temps assez proche. Tu as une vue sur quelqu'un à présent? Non, je suis en couple, en fait. Ah, d'accord. Ok. Alors, pour moi, il y a quelque chose de constructif. Il y a une évolution par rapport à ta réalisation professionnelle. Sentimentale. J'ai pas bu, hein, excusez-moi. Attendez. Je vais préciser. Ouais. Je sens quelque chose de positif, c'est évolutif. Donc, votre relation se passe bien en ce moment, tous les deux? Oui, en ce moment, oui. Vous êtes mariés, Pauline? Vous vivez ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Non, on vit ensemble, mais on n'est pas mariés. Et bah ouais, c'est peut-être ça, le truc évolutif. Ou alors un bébé? Pardon? Ou alors un bébé, Alex, je sais pas, comment tu vois le truc? Ouais, moi je sens que le couple en tous les cas va se fortifier dans des projets d'installation plus confortable, peut-être effectivement un couple et une officialisation par un pacte ou un mariage, mais en tous les cas il y a quelque chose de très positif qui s'annonce dans cette relation. Bon bah voilà, Pauline, c'est cool. Plutôt une bonne nouvelle. Oui, quand même, ça va alors. Je te fais des gros bisous, ma Pauline. Bisous, au revoir. À bientôt, bisous. Quand tu veux, dans l'émission. Alexandre Delovan, notre voyant, est là avec nous pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, questions sentimentales, professionnelles, financières. Moi, je peux en profiter parce que je kiffe. Alors, hier, t'as demandé pour tes amours. Voilà. Quelle est la question du jour? Je voulais savoir si j'allais déménager, enfin, bientôt déménager, si j'allais enfin me décider à bouger ou si j'allais encore rester chez moi pendant un petit temps. Pour répondre. Ouais, parce que j'hésite à mort et je me dis, on ne sait jamais, est-ce que je vais rester encore près de là où je suis ou est-ce que je vais bouger? Écoute, pour moi, tu vas bouger. Le mois de décembre est positif. Okay. Donc, ça sera une échéance ou une date où, en tous les cas, tu auras une opportunité. Et ça va venir par le biais d'un réseau ou d'un contact qui va te proposer un appart ou un logement sur lequel ça va déclencher l'envie de partir. Mmh. Ok. Je t'ai dit que je cherchais une colocataire, Lorenza. Ah, ben voilà, écoute. En décembre, c'est ça? On parlera du loyer. Je t'expliquerai en antenne comment on va procéder. Alex, tu bouges pas? Oui. Il y a du monde pour toi, on va récupérer les gens après Dimitri Vegas et Like Mike. Voyance en direct sur Fun Radio, 02 851 4x0. Posez votre question à Alex D. Et non, c'est Code When I Grow Up avec Wiz Khalifa. Faut que j'arrête de parler anglais. J'arrête. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna trees. It's true if you believe you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills and buy my mama a house upon the hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. Person, I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the guards, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing now. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. Yeah. Ramenez-vous chaque soir ici sur Fun Radio Libertad. Tous les soirs, dès 20h, Mike retourne à Belgique. Sur Fun Radio. Ça va pas se passer comme ça, ma petite Lorenza. Pourquoi tu te fous de la gueule? J'essaie d'être discrète en plus. Puis je te vois ton regard méchant. Elle se fout de ma gueule. Libertad, je Libertad. Le dis. Hashtag vent de liberté. Merci de nous avoir choisis, les amis, en étant direct avec dans quelques instants. Du son dance floor, on va se caler du Liam Payne tout à l'heure avec J Balvin. C'est le familiar qui est calé. Il y aura Axwell Ingrosso. Aussi, juste avant, le Tout est possible de Davy Courtois avec toute sa bande d'influenceurs et le poteau Axel qui sera là aussi, ouais, autour d'eux pour réaliser vos rêves. Alexandre Delovan est toujours là, notre voyant, médium. Vous pouvez aller consulter un petit peu toutes les activités d'Alex, éventuellement prendre rendez-vous avec lui, le contacter, ouais, même sur son Facebook, Alex D, coach de vie. On va vous mettre tous les liens de toute façon sur la page Facebook, Mike, sur Fun Radio. Alex? Oui. Il y a du monde pour toi, j'ai pas de feuilles, ma petite Coralie qui est là. C'est Gaëtan. Ça va Gaëtan? Bonsoir. Bonsoir Gaëtan. T'es en voiture mon Gaëtan? Je suis en voiture, effectivement, bon. Oui. Arrête-toi, je ne veux pas être responsable d'un accident. Ouais. S'il te plaît, mets-toi sur le côté frérot, on ne téléphone pas en conduisant, on rappelle. La sécurité avant tout. Et Gaëtan, t'as quel âge, dis-moi? J'ai 29 ans. 29 ans et tu veux poser une question à notre voyant Alex D. Oui. Alors on t'écoute, vas-y, pose ta question. Bah voilà, j'aurais voulu savoir en fait au niveau du travail, voir si vous voyez un peu une évolution au niveau de ma carrière en fait. Ok Gaëtan, quelle est ta date de naissance? Le 3 avril 1989. D'accord, là actuellement tu es en activité professionnelle? Oui. D'accord. Pour moi, il y a un changement dans ton poste ou dans la fonction que tu occupes. Il y a quelque chose, il y a une échéance qui est en train de se mettre en place. Il semblerait que tu recherches une autre évolution où il y a une volonté d'aller d'évoluer. Oui, c'est vraiment ça, oui. Oui. Ça demande un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a un peu de patience, mais autour de toi, tu vas faire marcher soit des réseaux ou des contacts qui vont te permettre de pouvoir obtenir ce que tu souhaites aujourd'hui. Est-ce que ton travail te demande à te déplacer ou est-ce qu'il y a des déplacements par rapport à ça? Non. Tu fais quoi comme taf, Gaëtan? Je travaille en usine de production, mais ici j'aimerais bien changer complètement de secteur. Parce que j'ai l'impression que où je suis, en fait, il n'y a pas vraiment de possibilité d'évoluer. Donc, tu voudrais trouver un taf dans quel domaine? Dans le domaine de la vente. Très bien, d'accord. De la vente, d'accord. Il se peut que ça soit d'un secteur peut-être plus commercial, mais de la vente en extérieur, pas uniquement sur un endroit où tu vas être sédentarisé, tu vois. Et donc, pour moi, c'est ce qui amène à faire des déplacements. Ça sera pas des gros déplacements, ça peut être des déplacements locaux, mais je vois du mouvement pour toi dans ta prochaine activité professionnelle. Et ça va te permettre de prendre de l'assurance et tu verras que dans quelques années, mais pas si loin que ça, tu auras un projet de monter ta propre structure ou ton propre projet professionnel. Voilà. Ah. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ouais, mon c'est pote. C'est positif, hein. Lâche rien, ok. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Il faut s'accrocher et puis ça va finir par tourner. La retourne va tourner, comme dirait l'autre. Salut mon pote. Excuse-moi, je suis tout seul. Salut. À bientôt Gaëtan, surviens quand tu veux dans l'émission. À bientôt, ouais. Lorenza, Gaëtan. T'es en train de marquer des points, moi je suis choqué. Alex D, merci à toi. Oui, je tiens juste à préciser, des fois on n'est pas objectif, donc on a le sentiment qu'on ne voit pas les choses sur le moment, mais c'est avec le temps qu'on s'aperçoit que la prédiction peut être juste. Prendre du recul sur les choses et sur ce que tu dis. Merci. Exactement. Alex. Ça va l'air juste quand même la prédiction. Tu vois? Eh ben tu nous le diras. On te retrouve demain, voilà. Alex, à peu près à la même heure vers 22h30 pour une nouvelle voyance en direct. Gros bisous. Super. Merci mon Alex, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Vous pouvez vous inscrire pour la voyance de demain, les amis. On peut rappeler le numéro, Lorenza. Oui, le 02 851 4x0. Appelez-nous pour vous inscrire à tous les jeux de demain, la voyance en direct. Le Facebook aussi, c'est Mike sur Fun Radio. Et puis les SMS, ma petite Coralie. Le 3044. 50 centimes par message. Voici Dennis Lloyd sur Fun Radio. Très beau prénom, Lloyd. Franchement, non, vous n'êtes pas d'accord. Ouais, on est d'accord, tout à fait. Rien à voir avec le fait que ce soit le prénom du patron. Non, rien. Du tout. Bisous, patron. Bonne soirée tout le monde, on est en direct sur Fun Radio, on va revenir dans quelques instants avec Mamie Simone, elle est dans le coin la vieille. Oui. Bon bouge pas. Dans moins de 3 minutes, c'est le retour des délires. Jusqu'à 23h, Mike sur Fun Radio. Partez-vous détendre pendant une semaine à 4. Dans un des campings étoilés vacances soleil de votre choix, grâce à Fun Radio. Fun Radio.

mira que estoy ya nos familiaricemos. Un poco de química y el party prendemos. No olvides la crítica si nos entendemos. ¿Qué tú crees si tu mente no me da? Señorita, ¿qué necesita? Sería mucho mejor si participa. Así de lejos no, mejor cerquita. Yo voy a hacerte todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien. Te queda bien. Mucho mejor que me llete. Sí. Can we get family, family, family, familiar? I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling ya. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Can we get family, family, family, familiar? I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling, I'm feeling ya. What's on your mind for later tonight? Let me be the one to fill it up. Can we get Bonne soirée sur Fun. Rejoins le mouvement. Follow us, Mike, jusqu'à 23h sur Fun Radio. L'émission qui fout une claque à tout ce qui se passe à la même heure sur la bande FM. Merci de nous avoir choisis, les amis. Il est 22h56 dans quelques instants. Tout est possible avec Davy et toute sa bande d'influenceurs qui vont s'occuper de réaliser vos rêves. Encore ce soir, si vous en avez un, vous pouvez balancer vos messages au 3044. Elle est là, la vieille. Oui, parce que mademoiselle Lorenz, elles sont mauvaises, il faut le dire. Vous êtes à l'antenne, mamie Simone. Mamie, vous êtes à l'antenne. Bonjour. Oui, vous pouvez parler de Lorenza. Ouais, je vous rappelle, hein. On vous a mis dans un deuxième studio, c'est pas pour. Je ne vous vois pas. Mamie Simone, donc, elle est là, ma petite mamie Simone, avec sa petite jupe, son petit foulard sur la tête. Ses petits collants. Ses seins flasques et dégueulasses. Oui, arrêtez de fantasmer sur moi tout de suite, ça va me faire vomir. Je dis pas que vous avez les seins qui tombent, mamie Simone. Je dis juste que quand on couche avec vous, on peut vous faire l'amour et une branlette espagnole en même temps. Oui, excusez-moi. Et pour t'assommer, c'est plus rapide qu'être de nœud. Bon, mamie Simone, vous voulez votre jingle? Évidemment, mais alors? Bon, on y va, c'est Radio Simone. C'est Radio Simone avec la belle, la délicieuse, la sensuelle, la somptueuse, mamie Simone. Sur Fun Radio, oui voilà, je suis enfin reconnue à ma juste valeur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mamie. Bonsoir. Bon, nous allons jouer avec deux auditeurs, je n'ai pas les prénoms bien évidemment. Alors, avec un seul, mamie Simone. Vous ne m'en avez demandé qu'un seul. Il absolument y a Laurent. Pas. J'en ai demandé deux. Bonsoir, eh ben, Laurent. Tant pis, Laurent est là. Laurent, j'espère que vous avez du temps à perdre. Je suis là. Auditeurs, débrouillez-vous. Ah, vous vous calmez. Écoute, je vais faire la deuxième auditrice. Voilà. Coralie va jouer pour quelqu'un sur le Facebook qui va s'inscrire maintenant en envoyant Simone sur la page Facebook Mike sur Fun. Bon, très bien. Monsieur Laurent, je suis désolé, mais il parle trop. Nous n'avons pas le temps. Nous allons aller vite. Avec qui voulez-vous jouer, Monsieur Mick ou Lorraine Machin? Lorenza. Lorraine Machin, là. Oui, c'était tout à fait ça. Donc, je vais vous poser des questions. Nous allons faire un quiz ce soir sur le sexe, mais nous allons apprendre également. D'accord? Les réponses vont vous permettre de vous coucher moins bête ce soir. Très bien. Bon, ce que nous allons faire, c'est que Mademoiselle Coralie et Lorraine Machin vont devoir prendre la main. Ok. En jouissant. C'est-à-dire en faisant un cri d'orgasme. Ok. Vous avez tout compris. Est-ce d'accord. Que... Alors Lorenza va devoir inventer puisqu'elle n'a pas connu ça en 25 ans. Bah, vu sa tête, c'est pas étonnant. Vous pouvez parler, mamie. Hein, oui, bah, vous savez, je vais pas vous raconter ça maintenant. Allez, on y va. Oui, bon, vous devez répondre par vrai ou faux à mon top, d'accord? Donc okay. On prend la main en jouissant. Vous prenez la main pour votre auditeur, d'accord? On ne peut pas avoir d'infection sexuellement transmissible si les deux personnes sont vierges. Top. C'est très gênant. Je dirais Lorenza. Oui, je dirais la même. Et moi, je dirais vrai. Eh bien, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous avez perdu. Vous êtes nul, éliminé. Mais c'est pas possible. Moi, j'ai plus envie de jouer. Bon, bah, j'ai gagné alors. Laurent, t'as choisi le mauvais poulain, à mon avis. Moi, j'ai plus envie de jouer. Je suis désolé. Ça m'a énervé. Allez-y, mamie. Faites-en deux autres encore. Deux autres. Oh, dites donc. Bon. Ah, ouais, on est là. Faire l'amour pendant les règles empêche de tomber enceinte, vrai ou faux? Je n'ai pas dit top. Top. Coralie, ça fait longtemps que t'as pas eu un orgasme, je crois. Alors, Coco, c'est Coralie. Ah, c'est Coralie. Je sais plus c'est quoi. Je veux dire